Est-ce que c'est toi qui fais l'intro cette semaine? Pas forcément de cet acabit. De cet acabit. Oui. Je tente des mots, j'ai lu un livre. Et n'hésite pas à partager. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux faire l'intro? L'intro. Hey, salut. Ça va? C'est qui? Hey, Road to Hellfest. C'est qui ça? Est-ce que tu veux que je te raconte une blague? Vas-y, raconte-moi une blague. C'est une blague que ma fille m'a racontée. En fait, il y en avait deux. Il y en a une qui... pas marrante et l'autre qui... Mais arrête de regarder les trucs. Les choses. Alors, c'est l'histoire... T'as peur que je découvre quelque chose. C'est un chien qui est avec un homme sur un bateau. Il je pète. Le chien tombe à l'eau et se noie. Quelle est la race du chien? Je sais pas, un berger allemand. C'est un pékinois. Ah, je l'avais pas. Écoute, c'est ça. Eh bien, nous voici dans l'épisode 3 de la saison 3 de Road to Hellfest. Bob, à la tienne. Jacques, hey. À la bonne tienne. Alors, comment se passe ta bonne semaine? Enfin, que dis-je, cette double bonne semaine? Eh bien, elle se passe tranquillement. Ne serais-tu pas en vacances? Eh bien sûr que si. Comment ça se fait? Bah parce que j'ai un boulot qui me permet d'avoir des vacances. Je trouve ça dégueulasse. Et je te déteste pour ça. Merci, c'est gentil. Je préfère être honnête. Moi aussi. J'ai pas envie qu'il y ait d'animosité entre nous au cours de cet épisode, donc au moins... Non, puis tu sais ce que, à quoi ça peut conduire l'animosité. La bagarre? Par exemple. Bah, oui, ça serait dommage, parce que c'est pas facile. Chez les bonobos, juste... par exemple. Ouais. Oui. Et se battre en enregistrant, c'est pas simple. On pourrait essayer. On pourrait essayer. Écoute. Est-ce qu'il t'est arrivé des choses intéressantes ces derniers jours? Ouais, plein. Ah, cool. Ouais, veux-tu nous en faire partager? Oh, bah écoute, j'ai lancé une lessive tout à l'heure. Waouh, de blanc, couleur? Non, couleur. Ouais, foncé. Foncé. Ah. On dit du foncé dans le monde de la lessive. c'est... écoute, pardon. C'est comme ça. Excuse mon ignorance. Oui, bah écoute, bah, je t'apprends des choses. C'est gentil, c'est un peu un échange. Tout à fait. Je me suis permis une heure de Red Dead Redemption quand même. Le 2 ah, Le 2, ouais. Tu bien te sûr. L'es acheté? Bah bien sûr. Pas mon salaud. Sur les conseils d'un cher confrère. Merci. Qui m'a dit, va voir chez Carouf, ils ont pas que de la bière. Ils ont aussi Red Dead Redemption 2. Ah, pas très cher. Ah, pas très cher. Ouais, c'est vrai, je suis comme du ça. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Moi, je suis comme ça, je donne. Ouais, bah, normal, ça fait du plaisir. Bah, je suis comme ça. Donc, et bien, voilà. Tant mieux. Voilà. Ou sinon, bah non, rien de bien intéressant. Hein. Apéro, musique. Hey, tu as écouté des trucs intéressants? Ouais, du Slayer. Mais d'accord, bah, on en parlera. Si, intéressant. Oui, non, on en parlera donc tout à l'heure de tout Slayer. À fait. Et toi, dis-nous, ta semaine de vacances que t'as pas? Eh ben, je l'ai plutôt passé au travail. Ah merde, c'est cool. Non, par contre, je vais revenir sur le week-end dernier où je me suis rendu au Saint-Sauveur du Rock. Ah, qui est un petit festival metal rock qui se déroule à Saint-Sauveur-Landelin dans la Manche. Alors, avant toute chose, petit préambule. Avec Bob et Rod to Hellfest, nous avions demandé une accréditation que nous n'avons jamais eue. Allez, pardon, c'était là. Remboursé. Et je dois même vous avouer qu'on, par rapport au chargé de com, on n'a même jamais eu la dernière réponse à notre message. Ce qui fait toujours du plaisir. Non, pas là. Moi, non, ça ne m'a pas fait plaisir. Mais bon, suite à ça, j'ai eu la chance d'être invité par le groupe Head Charger, des amis. Romain. Les frères de métal. Ah bah attends, on a discuté pendant le festival. Bref, donc invité là-bas, j'ai pu donc assister au concert. Et donc, je vais essayer de vous en parler et juste saluer... le fait qu'un petit festival comme ça existe en Normandie, c'est bien et il faut encourager toutes ces démarches-là. Voilà. C'est pas parce qu'ils n'ont pas filé d'accrédit et tout ça qu'on va leur taper dans le dos. Il faut juste que je retrouve le mec qui s'occupe de ça et lui, il va perdre 2-3 côtes. Non. En vrai, ce qui est important, c'est plutôt de soutenir ce genre d'événement parce que ça reste quand même assez rare. Parce que franchement, Saint-Sauveur-Landelin, c'est tout petit. Hein. Ouais, mais c'était un putain de festival. Alors, j'ai pas noté les groupes qu'il y avait le vendredi. Moi, j'y étais que le samedi. Et le samedi, il y avait Head Charger, Trust, Tagada Jones et No One Is Innocent. T'as pas dit qu'ils fêtaient leurs 10 ans aussi? Et ils fêtaient leurs 10 ans. Je m'étais déjà rendu à ce festival il y a 2 ans pour voir Massisteria. C'était déjà une grosse tuerie. Bref, Head Charger, c'était leur dernière date de la tournée Hexagram. C'était vraiment super comme concert. D'ailleurs, j'en ai discuté donc avec Romain et je lui ai dit, je vous ai trouvé particulièrement en forme. Et eux, en fait, ils étaient vraiment très très contents de leur prestation du soir. Et c'était très bien. Je lui ai dit, c'était un peu mieux qu'au son de l'eau. Ouais. Et il m'a dit, bah, on était vachement plus concentrés à cause du remplacement du batteur. On était peut-être un peu moins dedans, il m'a dit. Ouais. En deuxième groupe, il y a eu Trust. Malheureusement pour moi, il y avait une file d'attente un peu trop longue aux toilettes. Donc, bah, j'ai pas pu... aller aux toilettes ? Non. T'as été dehors, du coup ? Non, j'ai attendu. Ah, merde. Et donc, du coup, j'ai regardé quand même quelques morceaux de près parce que j'avais accès au pit photo, qui était littéralement un petit carré d'un mètre sur un mètre où je partageais la place avec un videur de chaque côté. Donc, il fallait que j'escalade la barrière à chaque fois que j'allais là-dedans. Ça embêtait un petit peu les spectateurs, mais bon. J'avais aussi accès aux côtés de la scène pour faire d'autres photos. Ouais. Donc, Trust... En étant honnête, bah voilà, c'est une machine bien huilée, qui a sa manière de faire et tout ça. Et en fait, bah, j'y ai cru au début. J'ai dit, ah, ça commence bien. Et juste après, j'ai fait, ah bah non, ça, c'est pas pour moi en fait. Ils ont mis le feu, hein, la salle était vraiment remplie. Je veux dire, quand j'ai quitté le pit photo, j'ai pu juste me rendre à la sortie de la salle. J'ai pas pu re-rentrer dedans tellement c'était blindé. Oui. Donc vraiment, ça a bien marché. Après, Bernie en fait des tonnes. Si on aime, ça passe. Il y avait trois chanteuses qui venaient en renfort pour faire les voix, et bah, moi, c'est musicalement que ça pêche, quoi, de ce côté-là. Après, mais bon, je dirais pas que le concert était pas bien, c'était vraiment pas pour moi, quoi. No One, grosse claque. Je connaissais No One, on en avait parlé dans la saison 2 de leur dernier album que j'avais déjà trouvé excellent et que je t'avais conseillé, que tu avais toi-même aussi trouvé pas mal. Ouais. Et en live, mais ça envoie vraiment, vraiment du lourd. Hein. L'énergie sur scène, elle est impressionnante. Kemar bah, se donne à fond. Même les musicos derrière, ça suit grave. Et puis, enfin voilà, ça donne tout ce que ça a. Fait intéressant aussi, c'était la tournée de No One et Tagada fait partie de leur double tournée qu'ils appellent Du bruit dans l'Hexagone. Ouais. Donc, ils se partagent des morceaux mutuellement. À la fin, il y avait donc Tagada qui est venu, tous les membres de Tagada qui sont venus, ils ont échangé un peu les instruments, ils ont fait un ou deux morceaux avec No One. Et pendant le concert de Tagada, bah, No One a carrément fini le concert avec eux, donc ça s'est changé. Donc c'était vraiment une bonne ambiance de ce côté-là. Donc No One, en plus moi j'avais toujours eu un a priori sur No One, parce que j'étais resté aux premiers albums qui ne m'avaient pas du tout emballé à l'époque. Et aujourd'hui, bah, ils sont vraiment... c'est vraiment puissant et déjà musicalement bien et vraiment en plus en live très très très très très très, très fort quoi. Et après Tagada, très bon concert du Tagada. J'ai un peu moins kiffé que la fois où on les a vus en Normandie. Ah oui. Avec les Ramoneurs, mais j'ai plus l'impression que c'était une question de moment en fait. Je me sentais peut-être un peu fatigué, j'avais bossé le matin, donc ouais, bah peu... mais le concert était très bien et à la fin avec No One c'était super, ça se finissait super bien. Donc, une plutôt très très bonne soirée. Et c'est le genre de petit festival qui fait plaisir et qui est très très agréable. En plus, tu peux prendre des saucisses frites pour manger. Ouais. Donc, c'est à peu près, c'est à peu près tout ce que je dirais. Mais c'est vraiment un bon petit festival agréable. Ça se passe en intérieur dans une salle des fêtes. Donc, c'est pas un site comme au son de l'eau qui était en extérieur. Mais... ça reste quand même agréable et c'est sympa. Je le recommande. Peut-être moins de discuter avec le chargé de com, mais sinon je recommande le festival. Est-ce que nous ne passerions pas à la rubrique des news, mon cher Bob ? Tu crois ? Je te laisse commencer. Voilà. La première. Je sais pas pourquoi ça pue. Ah non. Parce que je viens d'avoir les news en fait. Hein. À l'instant. Oui, en vrai j'ai un peu oublié de partager le fichier de travail, donc il découvre. D'accord. Ok, alors, Ghost. Double dose de Ghost. Après un clip. Attends une seconde. C'était pas clair mes informations tout à l'heure quand je t'ai dit tu lis pas le truc. Bah si, on parle de Ghost. Tu dis double dose de Ghost. Je t'avais dit que c'était pas sûr. Tu vois ? Et voilà. Alors, Ghost. Double dose. De Ghost. Non, bah non. Justement, Ghost, sûr, ça fait double répète. Dose. Bah oui. Pardon, je suis désolé. Tu vois l'idée ? Après un clip fait de bouts de vidéos tournées au téléphone par différents people du monde metal, entre autres Kirk Hammett, Phil Anselmo, etc. etc. Ouais, c'est des membres d'un groupe. Ouais, bah ouais. Ouais, il y avait Wet Wet Wet, etc. etc. Pareil. Ouais. Côté Frenchy. Un véritable clip officiel est sorti pour le titre Danse Macabre. Ça veut dire Danse Macabre en français. Ah ouais, j'aurais plutôt dit Macabre Danse, parce qu'en général, ils inversent. Bon, après, c'est pas... Ouais, c'est tout pas, ça, c'est pas possible, la science exacte. Hein. Effectué macabre. En avril 2017, le dépôt de plainte de ex-ghost Simon Soderbergh, Mauro Rubino et Henrik, Palm et Martin Herstegg contre le chanteur du groupe Tobias Forge a été rejeté par la cour de Linköping en Suède. Info informe le site Blabbermouth. Mmh. Voilà. Les musiciens accusaient le leader du groupe de ne pas partager des profits de vente de disques et de tournées de Ghost. C'est vrai. Ça c'est avait fait bien. Grand bruit à l'époque. C'est vrai, tout à fait. On s'en souvient tous. On s'en souvient tous. C'est de là qu'on avait commencé à dire « Ah, mince, ouais, Ghost, c'est juste un projet d'un seul homme. » C'est ça. C'est plus un groupe de musique. Mmh. Comment ben, penser. Il a quand même gagné. Bah voilà. Donc, ça change pas le principe. C'est pas un groupe. Mais voilà. Oui, c'est oui, sur le fond, c'est vrai que c'est pas. Hein. Mais au moins. Sur la forme, c'est pas d'autre problème. Mais sur le fond, moi je trouve ça un peu. Triste. Bah ouais, c'est triste. C'est triste, c'est triste. Mmh. As-tu vu ce clip? Je crois que j'en ai vu un bout, ouais. C'est des espèces de jeunes qui vont à une soirée. Ils sonnent chez quelqu'un où il y a une soirée, le mec dit ouais, il n'y a pas de soirée en fait. Ah bah si, venez. Puis ça se transforme en truc macabre et gore au possible. Le problème qui se passe avec Ghost, je trouve, c'est que leur imagerie, qu'ils avaient depuis le début, avec une espèce justement de musique et de paroles qui allaient dans le sens, fait de moins en moins sens avec le style de musique qu'ils jouent. Ouais. Et ça crée un décalage qui est presque... Perturbant. Perturbant, mais qui fait plus parodie, en fait. De eux-mêmes ? Du style, en fait. Toi, j'ai relu un peu l'interview de Nergal de Behemoth, ouais. Où on leur disait que... Il prenait comme exemple Watten, Behemoth et Ghost comme trois fers de lance du black du satanisme voilà, à travers la musique. Et justement, lui disait qu'il était plus à se rapprocher de Ghost dans le côté pas ironisant sur le black metal, mais lui, il prend ça plus comme une philosophie. Ghost, ça fait plus parodie et Watten, c'est plus les trous, les vrais de vrais. Ouais. Mais que pourtant, il pense que les trois peuvent quand même se rejoindre sur certains trucs. D'ailleurs, Nergal, dans l'interview, dit qu'il n'a pas trop aimé le dernier album. Ça... Ah. Il balance. Ouais, tu vois. Voilà. On se rejoint un peu. Hein. C'est ça. Moi j'avais dit que je l'avais bien aimé, juste qu'il faisait pas du tout album de Ghost, mais. Oui, c'est ça. Après, c'est le côté pop, hein, qui est pas... C'est ça. News suivante. Disturbe de passage à Paris. Hein? D'accord. Le jeudi 9 mai 2019 à l'Élysée-Montmartre, à partir de 20h, on vous conseille d'arriver un peu avant histoire de trouver un parking. Il y en a à proximité. En plus, il y a des kebabs, McDo, Burger King et KFC qui n'étaient pas loin. Ouais. Si tu te souviens. Ouais, j'en rappelle. Donc, alors j'ai pas le nom du parking qu'on avait pris. Mais, C'est celui qui est à droite. Oui, c'est celui qui est à droite. Quand tu arrives de la gauche. Il n'est pas si cher que ça et il est très bien placé. Ouais, on avait payé 15 balles pour la soirée. Voilà. Bon, ça reste correct. Si vous arrivez à plusieurs, vous partagez. Voilà, c'est ça. Tu sais, tu fais une espèce de covoite, quoi. Tu dis, c'est ça, tu peux avoir Disturbe et tout. Et puis, ouais. Et en bus. Voilà. Après, Disturbe étant quand même un groupe assez important, on en reparlera tout à l'heure, l'Élysée Montmartre, ça me semblait un peu petit pour eux. Surtout qu'en plus, ils ont annoncé ça sous la forme de tout ce qui se fait maintenant. Ils ont dit qu'il y aura une pré-vente le jour de la sortie de l'album. Mais il y avait encore des places aujourd'hui, donc vous inquiétez pas, vous pouvez tout y aller. Tout n'est pas fini. Voilà. News suivante. Bien sûr. Elle est pour toi, elle est cadeau celle-là. Oh, c'est gentil tout plein. John Garcia, qui n'en finit jamais d'avoir des projets, sortira son nouvel album avec son nouveau groupe, John Garcia and the Band of Gold, le 4 janvier via Napalm Records. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs qu'il ait choisi Napalm Records. L'album comportera 11 titres et Johnny sera accompagné de Aaron Groban à la guitare. Sacré Johnny. Mike Pigmy à la basse et Greg Sands à la batterie, un album que j'écouterai assurément parce que j'aime plutôt bien John Garcia et je n'ai rien contre une Band of Gold. Tout à fait. Bah, je te connais bien. Bah, c'est ça. A noter qu'il sera aussi en concert le jeudi 24 janvier 2019 au Krakatoa à Mérignac. Ce nom m'a fait rire. Tout Krakatoa, à fait. Et le lundi 28 janvier 2019, à Ninkasi, Garland, à Lyon. Oui. Des salles peu communes, me diras-tu. Tout à fait. Est-ce que tu connaissais ces musiciens ? Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Voilà, voilà. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une news qui t'intéresserait. Pygmy me dit quelque chose, mais pour le reste, non. Bon, passons à la suivante. Kiss, après 45 ans, a rocké à travers le monde. Oh, c'est le moment de la tournée d'adieu de Kiss, intitulée The Final Tour Ever, qui n'a pas en cours de date en France, mais qui sera tête d'affiche le dimanche 23 juin au Grass Pop. Du coup, un éventuel passage par Clisson est assez envisageable. Petit fait amusant, admettons que tu sois fan de Kiss. Admettons. Admettons, et puis tu dis, allez, c'est la DER. Admettons. Il n'y a pas d'embrouille, là c'est fini, si je veux aller voir Kiss, c'est now. Ouais, bah, c'est tout à fait mon style. Tu as plusieurs possibilités pour aller voir Kiss. Admettons. Tu as un VIP Meet and Greet, un Captain Lounge VIP Experience ou un Ultimate Kiss Army Experience. Oula. Toi, t'es un mec de l'armée, toi. Ouais, je verrais bien ça comme ça, ouais. Donc, y en a en très très petit nombre. Ça te permet d'avoir une rencontre privée dans les backstage. Ouh. Une opportunité de photo avec Kiss. Oh. Tu peux voir tout le show complet depuis le pit, alors qu'il n'y a aucun fan, apparemment ils disent ever, qui ont eu accès pour voir les photos de enfin voir le concert de ce truc-là. T'as des tours en backstage avec un personnel Kiss concierge. D'accord. Tu peux faire quoi ? Tu peux aller dans tous les endroits du truc. Enfin, t'as plein de machins, bref. Et ce qui est pas ça qui est assez intéressant. Après, bah, t'es membre à vie du fan club de Kiss. Des entrées VIP dédicacées, d'autres rencontres à venir et tout ça. La question, c'est, à ton avis, pour faire partie de cette expérience de l'armée ultime de Kiss, combien cela te coûterait-il ? Je te parle que t'es un fan, hein, que rien ne t'arrête. Ouais, ok. Est-ce que ça se compte en 3 chiffres ? Oh que non. En 4 chiffres. En 4 chiffres. Je dirais un petit 1006. Alors, à titre d'info, il y a énormément de dates. C'est assez hallucinant, toutes les dates qu'il y a. Là, j'ai des dates de fin janvier à décembre. Mais il y a... 2032. Ouais. Du coup, non, tu es très loin du chiffre. Oh, purée, un 1900. Ah, bah, t'es très loin du chiffre. Oh la vache, ça se compte même pas dans les 1000. Ah bah non, mais c'est pour ça que je t'ai dit que c'est pour ça que j'ai été voir et que ça me faisait rire. Parce que là, je sais pas, est-ce que ça se compterait quand même pas en 5000 ? Ce serait trop énorme là. C'est plus cher. C'est plus cher ? Ah ouais. Tu te fous de ma gueule ? Non, mais t'as plein de trucs, hein. T'as des trucs, t'as des autographes en édition illimitée, t'as un accès exclusif à la Kiss Army Captain Hospitality Lounge, qui inclut un VIP bar avec vin, bière et Kiss End of the Road Signature Cocktail. T'as des hors d'œuvre et des desserts bars. Est-ce que t'as le droit aux vidéos d'écoloscopie des membres ? Parce que là, c'est pas marqué. C'est pas marqué ? Par contre, t'as accès à la vente d'un merchandising particulier. Je pense que tu ton nom, j'espère, quand même. Hein ? À ton nom, j'espère. Pas... Attends, je t'ai pas dit le prix. Ça... Donc je sais pas, moi, 6000. Mais non. J'en suis loin, dans quel sens ? On est pas loin, mais c'est pas ça. 7000 ? 7500. Dollars. Oh là, dollars. Ah. Ça aurait été rouble à la rigueur. Bon, je l'avais, quoi. Tu te rends compte ? Ou yen. Alors, si on part sur l'entre-deux, juste le Captain Lounge. Ah bon, putain, mais t'as plein de choix à la con. C'est compliqué. Eh ben, ah ben non, mais c'est chiant après. Bon, bah en tout cas, c'est pas 7500. Ils nous emmerdent. Ils font chier. Oui, non, mais là, il y a trop de trucs à cliquer derrière. Enfin, voilà. Je trouvais que c'était assez marrant de savoir ça. Ouais, ah bah complètement. Hein, c'est pareil, ça change toute l'image du groupe que je pouvais avoir. Donc, à noter donc que, bien sûr, en général, certains groupes qui passent au Grass Pop, comme je l'ai dit, peuvent passer à Clisson. Tout à fait. Donc, on pourrait très bien avoir Kiss en tête d'affiche le samedi, par exemple. Ouais. Je verrai bien ça aussi. À ton tour, jeune homme. Eh, parlerait-on-t-y pas de Bad Religion, qui a sorti un nouveau titre intitulé The Profane Right of Men. Un titre dans la veine de Bad Religion, un titre que j'aime plus pas mal. Ouais. Tu l'as écouté ? Ouais, bien sûr. Ah bah oui. C'est marqué. Ouais. Tu l'aimes bien plus. Bah oui, je l'aime bien. Ouais. Ah, c'est pas mal. C'est tout à fait dans la veine de Bad Religion, quoi. C'est. Ah, c'est normal. T'as écrit la news. Bah bien sûr. T'avais pas non plus dire de la merde. Ah, c'est ça. Ça n'avait pas de sens. Ah, on reconnaît bien d'ailleurs Bad Religion. Oui. Non, t'es pas d'accord avec ça ? Ah bah si, totalement. Ah, merci. Complètement. Bah bien sûr. J'oserais pas de toute façon. Est-ce que ça t'aurait donné envie d'acheter le CD ? Eh ben pourquoi pas, éventuellement. Ouais, si l'album est bon, je l'écouterai et voilà. Ah, c'est ta force. Hein. C'est ça. Ça t'es... Ah. Je t'arrête c'est pas mon bonheur, c'est ma passion. C'est vrai. Moi, je suis toujours impressionné par ça. Ben c'est ça. Ah d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. C'est qu'on peut vraiment dire que en musique, toi, t'es un caméléon. Ouais. C'est-à-dire genre t'écoutes, t'aimes bien, tu te fonds dans la masse et t'achètes. Ouais, on peut voir ça comme ça, ouais, éventuellement. Complètement. Ouais, je suis un caméléon de la musique. T'es un caméléon, mec. Ouais. Ouais, j'ai écouté le dernier New One, mais pas mal. Ah, tu vois ? Ouais, franchement. Du coup, je mets des robes à fleurs et je me fonds dans la masse. Il y a encore des gens qui ont des robes à fleurs ? Des Santiago. Putain, mais c'est quoi comme look, ça ? Justement, c'est ça que je me pose comme question. Ça m'a fait chier d'être obligé d'acheter des robes à fleurs. T'es pas trop un caméléon fort, par contre. Non. Non, parce que je suis vite repéré, en fait. Du coup, je me fais un peu bouffer. Ouais, avec une grosse barbe, c'est un peu... Bah, ouais. Écoute, je te propose d'en rester là et de passer à la news suivante. Tout à fait, mais moi, j'allais te proposer la même chose. C'est fou. Et du coup, la news suivante. C'est fou. Slipknot, qui a une actualité chargée. Pardon, excusez-moi. Entre un futur nouvel album de futurs nouveaux masques et une tournée européenne, avec une seule et unique date en France, à savoir les arènes de Nîmes, le 1er juillet. Mais telles les places pour le Hellfest, elles se sont aussitôt envolées après avoir été mises en vente. D'ailleurs, en parlant du Hellfest, le groupe se produira au Grass Pop en tête d'affiche le samedi 22 juin. Ce qui peut bien sûr indiquer leur venue à Clisson, mais ça, nous n'en savons rien. Il y a quand même de grandes chances là. Oui, c'est, oui. Je pense, on est un peu sur... Mais, ouais, je pense aussi, ouais. Tu vas voir, tout à l'heure, je vais revenir sur le Grass Pop. Et peut-être pas. Ah, ça aurait changé depuis quelques années. Non, tu vas voir justement. Ah, d'accord. Tu vas voir. Ah, d'accord. J'ai mené l'enquête. J'ai mené l'enquête pour vous. Ouais. Moi, je m'arrête pas à ce genre de truc, moi. D'accord. Ouais. Ça fait. C'est, ouais. Et bah. C'est sympa. News suivante. Ah, oh bah, avec plaisir. D'ailleurs, on a toujours pas de générique. Hein. Va falloir, c'est... Hein. Parce qu'il y a une certaine personne qui va commencer à s'impatienter. Ouais. Hein. C'est clair. Alors, Stone Sour, pour fêter les 15 ans de la sortie de leur premier album et à l'occasion du Record Store Day, Stone Sour va, le 23 novembre, sortir une réédition remasterisée de leur premier album en vinyle, s'il vous plaît, agrémenté d'un CD live enregistré au House of Brooks, lors du premier concert du groupe. N'est-ce pas formidable ? Je sais rien. Une bonne nouvelle pour les fans de Stone Sour. Et il faut savoir que leur dernier album a été réédité en août aussi, dans une version de luxe. Ouais. Ah, non, le groupe est vachement actif en fait. Hein. Bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Bah, après, ouais. Premier album, je pense qu'il doit être assez daté dans le temps quand même. Je ne l'ai pas réécouté depuis très longtemps. Mais je pense qu'il est assez daté et loin de ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, Ouais. Donc, je pourrais pas te dire non plus, je suis pas un connaisseur de Stone Sour, donc. Bah, le premier album faisait vraiment la transition avec Slipknot et t'avais vraiment tu re-entendais des trucs un peu. Toi, tu vas dire ah tiens, je suis pas surpris qu'il y ait un mec qui chante là-dedans dans les deux formations et, ouais. Et même musicalement t'avais des trucs qui pouvaient se ressembler un peu. Et Stone Sour avait sorti un album avant Slipknot ou non, enfin oui, ils existaient avant mais ils ont pas connu. Ils ont pas sorti de CD avant. Non, l'album est ressorti après après Iowa de souvenir. Ouais, d'accord. Alors, parlons un petit peu de Trivium, parce d'accord. que c'est un groupe que j'aime bien. D'accord. Il se passe souvent des choses avec ce groupe. Mm-hmm. Matt Heafy a interrompu sa tournée nord-américaine avec Trivium, qui était dans le même soir avec Avatar et Light the Torch, Light the Torch, donc c'est le chanteur, c'est un groupe avec le chanteur Howard Jones, ce qui est l'ancien chanteur de Killswitch Engage. Enfin, en gros, le chanteur actuel de Killswitch Engage était le premier chanteur. Il est parti, Howard Jones l'a remplacé. Howard Jones est parti, donc le premier chanteur est revenu. Ah ouais, d'accord. D'accord. Et donc, il a formé Light the Torch, donc la tournée avec Trivium, Avatar et Light the Torch. La fameuse que tu pensais qui passait avec, justement... Tout à fait. Avec Avatar dans leur tournée française. Non. Donc, non, en fait, la tournée continue quand même, et c'est Howard Jones donc de Light the Torch et Johannes Ekström d'Avatar qui viennent remplacer Matifi au chant. Et à la guitare, c'est le youtubeur musicien Jared Dins, assez connu pour ses essais un peu rigolos et chelous. Il est barge, ce mec. Hein? Il est barge. Ouais, il est barge, mais il joue super bien la guitare. Carrément. Et de la batterie aussi. Oui. Et il y a eu plusieurs vidéos de vlogs où il accompagnait le groupe en tournée et il montait une fois sur scène ou deux pour faire un morceau. Puis en fait, parce que oui, en fait, je n'ai pas expliqué. Parce qu'en fait, la femme de Matifi attend des jumeaux, donc il a dû retourner près d'elle. Parce que c'est sûrement bientôt la fin et qu'elle va accoucher. Donc, d'accord. Et donc, ça a pu permettre à Jared de se mettre en place avec le groupe et tout ça. Et donc, la tournée continue quand même. Et Matifi n'arrête pas sur les réseaux, justement, d'envoyer à quel point il est content et fier de voir que bah, Trivium, ce n'est pas juste un mec. Comme tout le monde a souvent pu le dire, bah, comme il a viré beaucoup de batteurs, on a toujours dit oui, c'est le groupe de machin et tout ça. Mais on a pu voir que... Voilà. Tout si pour ça. Ok. Voilà. Bah voilà. Hein, ouais, c'est sympa. Écoute. Merci. Faudra qu'on pense à leur envoyer un... Faudrait que nous envoient un faire-part et nous on réponde. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se fait dans ces cas-là? Je sais pas. Un doudou? Ouais. Enfin ouais. Deux du coup. Parce que... Ah bah ouais. Bah j'en prends, t'en prends. Ouais. Oui c'est bien ça, on prend chacun un doudou. Ouais. Ouais on va faire ça. Bon on va faire ça. Bah, d'accord. Bah faudra savoir par contre. Bah... Garçon, fille. Oui. Bah oui. Faudra qu'on lui demande. Oui, je vous demande. Voilà, voilà. Alors, Gojira semble de retour en studio selon l'Instagram de plusieurs de ses membres, à savoir quelques-uns. Il semble préparer quelque chose. Chut, ça, je crois que c'est ça. Dans un studio à New York, en même temps comme Joe a son propre studio à New York, de là à... Terminer des phrases, tout à fait. Non, mais de là à faire ce genre de supposition, je veux dire... C'est ça. C'est un peu... Tout à fait. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour toi? Je dirais que ça peut être éventuellement une bonne. Quel était ton avis sur le dernier album? Je l'ai trouvé très bien. Mm. Ouais. Mm. Ah ouais. Non, j'ai bien aimé le dernier album. Et toi? Ouais, moi aussi. Ouais. Bah, c'est en fait, je fais pas partie des fans de Gojira de la première heure, donc... Je trouvais... Ah bah, bizarrement, moi, j'ai été très très fan de Terra Incognita et de Link. Et après, j'ai écouté le reste et j'ai pas suivi plus que ça. Mais ouais, non, Magma était très bon. Hein. Ah, bah, ouais. J'ai bien aimé aussi. Hein. Même si je reconnais effectivement un côté beaucoup plus accessible. Oui, c'est peut-être pour ça que... Il demandait moins d'efforts, vraiment. Ouais. C'est quand même le seul album de Gojira que tu peux mettre en disant, ah, ça va. Ouais. Les autres, tu peux... Faut que je me pose un peu, attends, parce que faut que j'écoute. Ouais, faut calculer, faut prendre des mesures, faut commencer à regarder. Sortir des rapporteurs. C'est ça. C'est chiant. Les équerres et tout. Les compas. Alors, Soulwork, dont le nouvel album sortira le 11 janvier 2019 et dont on a déjà parlé dans un des deux derniers épisodes, intitulé Verkligerten, a donc publié un second extrait, à savoir Full Moon Shoal, qui arrive donc après I Revolve. Donc, de notre binôme, c'est moi le fan de Soulwork. Mmh. Et bah, pour l'instant, je ne suis pas convaincu, ni par l'un, ni par l'autre des titres. Ouais. Même si le groupe a un peu dit et répété que c'était l'album le plus sombre de Soulwork, eh ben, moi, pour l'instant, c'est celui qui me... Enfin, ça me... Je ne suis pas emballé, j'attends de voir, bien sûr, mais je suis toujours en fait, surpris des singles choisis par un groupe et de ce qu'ils veulent essayer de montrer. Genre, est-ce qu'on montre qu'on fait un truc différent? Est-ce que ça représente l'album? Est-ce que c'est le titre le plus commercial? Tu vois, je suis toujours un peu... Ouais. Il y a des groupes... C'est vrai que ce n'est pas très précis, des fois. Ils ne précisent pas tout ça. Ouais, et des fois, tu vois bien que c'est le morceau le plus facile pour passer en radio. Des fois, tu t'en rends bien compte. Ouais. Là, je suis un peu partagé. Est-ce que c'est vraiment eux qui choisissent leur morceau? C'est pareil, ça, des fois, ce n'est pas toujours le cas. Parce que ce n'est pas la maison de disques. La maison de disques, ouais, dépend. Ça dépend. Qui a libre choix. Bah, tu peux des fois, effectivement, avoir... d'autres choix, justement après de te poser la question, de te dire mais pourquoi ils ont mis ce single là quoi. Mais du coup en l'occurrence là je suis pas convaincu et d'habitude un nouvel album de Soulwork ça me hype un peu, là je suis pas hypé, voilà, Je préfère le dire. Ouais. Je te laisse la prochaine news. Ah. Je sais pas pourquoi je fais ça. Static X devrait sortir un nouvel album au printemps 2019. Une quinzaine de nouvelles compositions existeraient déjà. Je tiens à rappeler que le chanteur, compositeur et fondateur du groupe est mort depuis 2014. Flirt ? Oui. Bah mince ? Oui. Bah comme... Mais... C'est... Ah bah... Pas quand... Ah bah ça va pas être... Bah... Bon, nous pourrons retrouver dans cet album Al Jourgensen de Ministry, David Draiman de Disturb, Ivan Moody de Five Finger Death Punch et Burton C. Bell de Fear Factory. Voilà, voilà. Et est-ce que j'ai pu voir aussi quelques samples de la voix de Wayne Static? Mais qui va remplacer Wayne? Je sais pas. Ici, les samples de Wayne et puis les autres qui vont faire le collage, quoi. Mm-hmm. Ouais, non, mais c'est une quinzaine de titres et ouais, ça va être. À voir, à écouter. En fait, écoute. Pareil, c'est toujours une question de démarche. Est-ce que c'est le groupe qui veut vraiment rendre hommage ou continuer le truc coûte que coûte? Ou est-ce que, bah non, c'est juste histoire d'essayer de refaire du fric? Ouais, ou de continuer tout simplement Static X, parce que bah, Wayne était certainement. Non, mais d'accord, mais il y a des trucs que le membre fondateur, mais. Pas continuer Static X sans Wayne Static? Bah oui. Donc du coup, il s'appellerait comment? Ah bah non, mais c'est un album de Static X qui va sortir. Hein, bah oui, c'est ça. Non, non, mais après, je veux dire, si... Bah ah, oui, à écouter, de toute façon, oui. On ne sait pas pour l'instant ce, que, ce, que, ce c'est quand même une qu'il news en est. Un peu ouais. Étrange. Ouais. Moi, ouais, je suis un peu étranger à cette news. Pas moi, mais je trouve ça assez louche. Si je te dis British Lion, non. Ce groupe t'inspire quoi? Déjà, c'est pas évident. Je sais pas, un zoo peu, à Londres. C'était un petit peu ton rang, il me semble, dans la famille du côté de l'Angleterre. T'étais lion de Bretagne, je crois. Non, j'étais le. Ah non, non, c'était pas le sanglier de Cornouailles. Non, bah ouais, c'était ça, ouais, enfin quasiment, ouais. Ah d'accord. Mais avec marrant. Des ailes. Oui, bah enfin, c'est amusant. Bah, figure-toi que c'est aussi l'autre groupe de Steve Harris, le bassiste d'Iron Maiden. Ah, d'accord. Le principal compositeur d'ailleurs d'Iron Maiden, dont le premier album remonte à 2012. Eh bien, ce bon vieux Steve nous informe qu'il a terminé l'enregistrement du second album du Lion Britannique. Je vois pourquoi tu rigoles. Je comprends pas. C'est insultant un peu, pourquoi tu te moques de moi? Non, j'ai trouvé ça assez cocasse. En fait, en étant un peu plus sérieux, je suis hyper curieux. J'ai pas du tout écouté le premier album et je suis assez curieux de voir ce qu'il peut proposer d'autre. En fait, de voir. Que Maiden bah, sachant que c'est lui qui est quand même le compositeur principal depuis ouais. Tout que, début. Est-ce que tu sais pas un copier-coller de bah, Maiden? C'est ça en fait, ouais. C'est ça qui me. Ou un truc totalement différent. Voilà, c'est pour ça que. Donc, c'est en ça que je suis un petit peu... Bah écoute, eh, voilà. C'est un truc à écouter. C'est ça. Le lion britannique. Oui. C'est, non bon. Donc là, c'est un peu une... C'est pas vraiment une... Bah vas-y, lis-le, puis je vais rebondir dessus. Ouais, d'accord. Le festival belge qui se déroule en même week-end que le Hellfest. Du coup, je précise pas que c'est le Grasspop. Si. Ah, d'accord. Grasspop. Le festival belge qui se déroule le même week-end que le Hellfest a dévoilé ses premiers noms pour son édition 2019. C'est vrai. Et également ses trois têtes d'affiche, à savoir Within Temptation le vendredi 21, Slipknot le samedi 22 et Kiss le dimanche 23. Voilà. Alors moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que dans les autres noms, il y a eu Def Leppard, Sabaton, Lynyrd Skynyrd, Whitesnake, Disturb, Iron Amart, In Flames, King Diamond, Godsmack, Trivium, Alestorm, pas Alstorm, ouais. Testament, Children of Bodom, Hammerfall, Carcass, Oquine, Eluveti, Demon and Wizard, Crocus, Headbred, Philip Anselmo and the Illegals, D-Lane, Sonata Arctica, Nothing at All, Legion of the Damned, Deftar, Sick of It All, Combi Christ, Agnostic Front, Cult of Luna, Candlemas, Borknagar, Orange Goblin, Flea Campbell and the Bastard Son, FM, Immolation, Flesh Good Apocalypse, Crowbar, Equilibrium, Gloryhammer, Municipal West. Tu me dis quand t'as fini. Grand Magus, Whitechapel, Bleach from Within, State Champ, Power Trip, et To the Rats on Wall, et Crisis. Pourquoi tu gâches les bonnes bières que je t'amène? Pourquoi t'as secoué les bonnes bières? On vient d'avoir un accident de bière. Cette bière vient d'exploser dans les mains de Bob. Et il en a mis partout. Bien wesh, mec. Bien wesh. Donc, bah, j'ai meublé un petit peu pendant que t'essayes d'essuyer avec ce que tu trouves. Un pont. Du linge, apparemment. Donc, j'ai cité tous ces groupes parce que c'est quand même assez souvent représentatif de ce qu'on peut retrouver au Hellfest. Enfin, sur l'affiche du Hellfest. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Mais pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, j'ai pris des anciennes affiches du Hellfest et du Grass Pop pour comparer les têtes d'affiches. Mais dis-moi en plus. Si on prend le Grass Pop 2016, les trois têtes d'affiches étaient Black Sabbath, Volbeat et Iron Maiden. Si tu prends le Hellfest de 2016, c'était Rammstein, Twisted Sister et Black Sabbath. Donc, il y en a un en commun. D'accord ? Ok. Si tu prends Grass Pop 2017, tu avais Deep Purple, Rammstein et Evanescence. Si tu prends le Hellfest 2017, tu avais Deep Purple, Aerosmith et Linkin Park. Une seule. Si tu prends le Grass Pop 2018, bon bah là, il y avait sur 4 jours. Donc, tu avais Guns N' Roses, Iron Maiden, Volbeat et Ozzy Osbourne. Et Hellfest, Avenged Sevenfold, Iron Maiden et Judas Priest. Une seule. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que tout à l'heure, on disait qu'il y avait Slipknot et Kiss qui étaient possibles. Si on en suit cette même logique, il n'y en aurait qu'un des deux. Tu vois, c'était ça le point que je voulais dire. Ouais, tout à fait. Après, il faut aussi tenir compte d'autres trucs. Par exemple, en 2018, il y avait quand même Avenged Sevenfold, ils n'étaient pas en tête d'affiche, alors qu'ils étaient au Hellfest. Et tu avais également aussi Judas Priest, qui n'était pas en tête d'affiche au Grass Pop, mais qui l'était au Hellfest. Donc, on peut quand même faire une certaine corrélation entre les deux festivals. Il y a quand même beaucoup de groupes qui sont à l'un et qui sont à l'autre. Donc là, je vous explique qu'ils déchirent des tissus pour en faire une espèce d'éponge, un chiffon pour essuyer la bière qui est un peu partout. Mais il le fait avec le sourire. Un sourire un peu amusé et en même temps dégoûté. C'est un mélange des deux assez... C'est qu'il y en a vraiment partout. Il y en a vraiment partout. Heureusement, le studio n'est pas assuré. Donc... Et en vrai, il n'y a rien à sauver de ce qu'il y a. Donc il y en a partout, mais... C'est chiant, c'était bien ma théorie là-dessus, et toi, t'as foutu le bordel. Non, excuse-moi, mais t'amènes des bières, tu les as secouées. Je les ai pas secouées. Genre. Bah non, je te jure. Regarde-moi ça, hein, par Glavio, il y en a partout. On est plein de futes. Mon pantalon. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça? Oui. Ah, quoi est-ce que c'est? Bah c'était ça, oui. Oui, voilà. Donc en fait, le point, c'est qu'à mon avis, il y aura peut-être les deux groupes comme Kiss et Slipknot, mais qui ne seront pas forcément toutes les deux en tête d'affiche. Il y en aura un des deux qui sera en tête d'affiche, ouais. Et un autre qui sera en dessous. À savoir que Liner, c'est pareil, c'est leur tournée d'adieu. Donc peut-être que... Francis Zegut, l'animateur radio, a laissé sous-entendre qu'il y aurait passablement Lynyrd Skynyrd. Au Fest, ouais. Ouais. Ainsi que Tool, hein. Tool est le groupe qui a été annoncé un peu partout. Ouais, bah voilà, ouais, c'est ça, on a vu, hein. Et qui a été d'ailleurs repris parce que on n'a qu'à passer à la suite des news. Sauf si t'as envie d'approfondir un peu le Grass Pop et le truc ou la comparaison entre les deux. Bah non, mais c'est vrai que oui, moi ça fait on va dire 2 ans que je vois plus trop, mais il y a quelques années, ouais, je voyais un peu le. Beaucoup de groupes similaires, ouais, quand même. Voilà, t'as vraiment, je pense, 70-80% de similaires. Ouais. Je pense. Hein. Donc voilà. Sans trop me... donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de citer tous les groupes, parce que ça peut déjà donner une idée de ceux qu'on retrouvera. Moi, je suis... Il y a aussi Def Leppard qui a plus ou moins été annoncé. Donc moi, Def Leppard, Sabaton, Lynyrd Skynyrd, j'y crois. Amon Amarth, Disturbed, pourquoi pas. Godsmack et Trivium, ouais, je suis confiant. Et après là-dessus, d'autres groupes qui vont venir. J'ai vu une petite news intéressante que je voudrais passer assez rapidement, que j'ai vu passer sur le site de Topito, qui était en fait les 7 autres festivals possibles pour tous les gens qui n'ont pas eu leur place au Hellfest. Donc en premier, tu avais le Motoculteur Festival, ouais, qu'on connaît bien. Le Fall of Summer, qui n'a pas eu lieu cette année d'ailleurs, de mémoire. Le Download Festival, qui est pour. Donc jusque-là, on est dans les trucs qu'on connaît un peu. Oui. Le Sci-Like Open Art, qui est à Saint-Maurice de Gourdan dans l'Ain. Apparemment, c'est un festival qui a quand même souvent une bonne affiche. Hein. Le Sci-Like, ouais. Ouais. Le Vision Festival, à Plougon-Vélin dans le Finistère. Un petit festival à taille humaine avec une programmation très pointue. Voilà, mais qui n'a pas que du métal, qui a aussi un peu d'électro. Le Cornunos Pagan Festival à Noisiel en Seine-et-Marne. Donc une prog spécialisée dans le pagan. Ça, j'avais entendu, ça faisait un peu souvent même débat. Je crois que c'est le festival qui avait des problèmes, qui voulait être interdit. Pourquoi bah, parce qu'à cause du côté pagan, des fois que ça peut faire peur aux gens. Ah oui, l'amalgame. Ouais. L'Extrême Fest, dans le Tarn, qui est quand même assez réputé pour son côté... Extrême ? Ouais. Parce que Tarn, c'est... Ouais, c'est assez extrême. Ça n'a pas grand sens. Non, mais c'est quand même assez extrême. J'ai vu l'affiche, là, ils ont qui, là ? J'ai vu Toydol, ah. C'est... Ah, j'en ai vu un aussi, j'ai oublié, moi. Ah, flûte. Mais ils en ont sorti d'autres, hein. Il y a pas mal de noms, je crois. D'annoncés. Ouais. Mais grosso merdo, ouais, j'ai vu les Toydol, c'est... Oh, il y aura peut-être un ou deux groupes de grind. Peut-être. Ouais, c'est possible. C'est assez extrême, donc du coup, c'est jouable. Du coup, on peut enchaîner avec les quelques news Hellfest qui sont assez petites, mais qu'on fait assez parler de quand même. On continue avec la communication qui a l'air de plaire aux fans cette année, ouais. Et à nous aussi du Hellfest, à savoir continuer de balancer des espèces de codes ou de messages. Le dernier gros en date, le dernier gros, hein, je tiens à préciser parce qu'il y en a une autre et une petite vidéo après qui suivait celle-là, mais il y a une affiche, une nouvelle affiche qui est sortie, indiquée Missing Have You Seen This Man. Donc on voit la photo d'un homme qui s'appellerait Thomas Andrews, âge 42 ans, avec sa taille, son poing en anglais. La dernière fois, il a été vu par la rivière des deux... Ah, il y a 2 mois. Et il y a un numéro de téléphone, et quand on le compose, en fait, on a la musique, on retrouve des petites vidéos, ouais. Et on commence après à entendre des bip, bip, bip, bip, bip, à savoir que les bips étaient augmentés tous les jours. De ce, ouais. De ce que j'ai pu voir par rapport à tous les gens qui essayent et qui se donnent à fond pour décoder, au début, tu n'avais que 2 bips. Ah oui, moi j'en ai eu 5, je crois. Et après, tu avais des bips qui augmentaient. Ouais. Donc, selon les gens qui ont des théories, genre, bah, ils écouteraient les messages... au fur et à mesure. Ouais, j'ai laissé un message, moi. Ah, moi aussi, j'en ai laissé un pour Road to Hellfest. Ah, ouais, c'est sympa. Ouais, j'ai dit qu'on n'avait pas vu le mec et qu'on espère qu'ils vont le retrouver. Et que si jamais ils avaient besoin, on pouvait donner un coup de main et qu'on leur faisait des bisous. J'ai mis ça. Normal. Mais je me suis présenté quand même. Hein. On est Road to Hellfest, machin, c'est important. Ouais, bien sûr. Donc, c'est très bien fait comme. Ça marche plutôt bien. À savoir où ça mène. Pour beaucoup, donc les bips... Parce qu'il y a des gens qui ont repris les bips de notes de musique et de téléphone pour retrouver les lettres en fonction des chiffres qu'ils appuyaient. Et ils sont arrivés à la conclusion que ça devait être Tool. D'accord. Et dans certaines théories, les mecs ont dit oui, ils n'ont pas encore annoncé Tool, mais comme Tool est annoncé partout ailleurs, c'était une manière de l'annoncer sans vraiment le dire, en disant nous aussi on a Tool. Ouais. Après, depuis la semaine dernière, on n'a pas de nouvelles. Il n'y a pas de suite à ça. Mmh. Donc, on attend un petit peu de voir où ça mène. Il y a aussi une théorie comme quoi Thomas Andrews était le commandant du Titanic. Ouais. Et que ça voulait dire... Architecte, je crois, un truc. Ouais, voilà. C'était l'architecte du Titanic. Et que, bah, pour certains, ça voulait dire que c'était le groupe architecte qui vient. Pour d'autres, ça avait une autre signification. Mais je vous conseille d'aller sur le forum du Hellfest. Il y a un thread... qui s'appelle Décrypter l'affiche, où il y a 38 pages. Il y a vraiment des super... J'ai cherché un anagramme, moi, de Thomas Andrews, mais je n'ai pas trouvé. Ah. J'avais une piste, et puis en fait, je l'ai laissé tomber. Ah bon ? Quelle était ta piste ? Je ne sais plus. J'avais fait ça vite fait. Ah bah, en fait, à un moment, tu as commencé à réfléchir. Oh putain, ça se trouve, c'est ça. Et le temps que tu fasses l'anagramme, tu as oublié le truc. Mais pourquoi ? Qui c'est ? Je ne sais pas. C'est pas moi. Non ? Bonsoir. Très bien. Eh ben, nous ne saurons pas ce que c'est. Donc voilà, toujours un truc de com qui marche bien, je trouve, qui est intéressant, qui maintient en bonne attente, ouais. Qui est plus efficace que celle de l'année dernière, qui avait été de balancer quelques groupes et d'attendre en voyant la réaction des gens, là au moins il y aura forcément Il y a un petit côté ludique hein, dans le truc hein, ouais, on a tous envie de s'y prêter, d'essayer de trouver c'est un petit jeu, une espèce d'escape game un peu dans l'idée peu, ouais, quoi, bah, voilà, faut chercher quoi. Et ce qui est marrant, c'est que dans les échanges de gens qui essayaient vraiment de décrypter, ils en étaient arrivés à un point où ils disaient ouais, en fait, même si on se plante tous, ça aurait été sympa et tout quoi. Donc, ouais, bah ouais, complètement. Il n'y aura pas forcément de frustration comme il peut y avoir. Je veux dire, mais ça marche plutôt bien. Puis le coup d'appeler, moi j'ai appelé plusieurs fois juste pour le fun. Bon, j'ai sûrement avoir une facture qui est un coup de bras. Mais... Enfin, ce qui serait marrant, c'est de se dire qu'ils avaient prévu. Effectivement, de déplacer la vallée, comme on en avait parlé, ouais. Et qu'en fait, ils vont pouvoir le faire grâce à tous les gens qu'on a appelés. Ah, ça serait ça l'idée, même. C'est pas con. Ouais. Voilà. Ouais. Mais apparemment, non, c'est pas un numéro surtaxé, ni rien. Ouais. Voilà. Et il y a des mecs quand même qui ont été voir pour dire, ok, donc j'ai noté que il y avait deux bips à cette heure-là, après il y en avait trois. Ça veut dire qu'à telle heure, il est allumé, telle heure, il est éteint. Il y a des gens qui ont aussi envoyé des textos, ils ont vu qu'ils n'ont pas été délivrés avant telle heure. Donc c'est pour ça qu'on tombe sur le répondeur direct. Donc il est ouvert entre telle et telle heure. Enfin, Oh la vache. Ah non, mais les mecs se donnent à fond, vraiment. Ouais, non, c'est pour ça que je dis, c'est passionnant de regarder ce truc-là. Après, à côté de ça, pas d'autres grosses nouveautés. Il y a eu juste une petite vidéo qui est repassée après derrière. On voit un mec en train de on voit un poteau, on voit le mec de face en train d'agrafer une affiche. Ouais. Mais on ne sait pas ce qu'il y a sur l'affiche. On voit juste qu'il a un t-shirt, c'est marqué Inferno. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un groupe qui s'appellerait Bah pour eux, comme c'est aussi le prix littéraire qu'il y a eu, ils pensent qu'il y aurait quelqu'un qui va lire le vainqueur sur le main stage pendant une heure. Ah, c'est possible. Ouais, là, franchement, ouais. Ce serait novateur. Ah bah là, ça c'est sûr. Ouais. News suivante du Hellfest, à savoir le cult, le fan club du Hellfest, le truc en plus. Le truc qui fait que t'aimes vraiment plus le Hellfest que tous les autres qui ont déjà dépensé 200€ dans un pass. Voilà. Alors, ça, c'est le truc où tu peux encore dépenser de l'argent pour dire « Moi, je suis un culte !» Ouais, on a c'est déjà, vrai. On a déjà un petit peu parlé du culte en disant que on a vu l'intervention l'année dernière de Richard qui expliquait son expérience. On avait dit, nous, qu'on aurait bien aimé pouvoir s'y rendre pour justement voir de l'intérieur tous les avantages que ça pouvait avoir. Eh bien, c'est demain. C'est demain qu'on peut s'inscrire. C'est le 31 octobre, donc forcément... À 10h. Quand vous écouterez ce podcast pour ceux, ça sera déjà fait. Voilà. À savoir, est-ce qu'il restera des places ou pas, ça... de ce que j'ai vu, il y aura... Il y a combien ? Il y a 1334 exemplaires d'offres dites classiques et 666 exemplaires de la version avec la stèle. Donc du coup, on va essayer d'expliquer un peu vite fait tout ce que c'est. Donc la version avec stèle, donc c'est une stèle hein, qui a l'air plutôt assez jolie, qui représente le dessin qu'a l'effigie sur la page du site hellfestcult.fr. Donc qui repose sur un socle avec le H du Hellfest. Donc la valeur de l'adhésion au culte plus la stèle, ça coûte 149€. Quoi ? Mais c'est super cher ! Mais pourquoi ? Je ne sais pas. C'est le prix qui est marqué. Ah, d'accord. Bah, je n'ai pas toutes les réponses. Ouais, non mais écoute, par contre tu fais toutes les questions. Parce que... D'accord. Donc, dans ce pack, on a le pack box de bienvenue, le pass espace club. Donc, on rappelle que c'est ce qui permet de rentrer dans le club qui est sur le site du Hellfest. Sans ça, on ne rentre pas. Voilà. Donc, cet espace, il permet d'avoir des soirées jusqu'à tard dans la nuit. Genre, vous avez vu des concerts de 10h le matin à 2h du matin. Et vous dites, je ne suis pas si fatigué que ça. J'en ai pas encore eu assez. J'ai encore envie d'aller passer des soirées de folie parce que... Au vu des quelques vidéos disponibles sur le site du culte, effectivement, ça a l'air d'être des grosses soirées. Mais il y a des concerts, il y a plein de trucs. Et puis, moi, ce que je trouve cool, c'est que tu as toujours un coin, je pense, potentiellement agréable où tu peux boire un verre, en plus avec des super verres. Tout à fait. Donc, c'est toujours cool. Le patch... Pardon ? Oui, non, j'allais dire un merch aussi qui n'est pas dégueu. Oui, aussi également, oui. Dans la box, donc, il y a aussi un patch millésimé 2019. un enregistrement officiel au sein de la communauté. Alors là, il y a tout un truc par rapport à la communauté qui après se retrouve à être divisé en chapitres, les chapitres correspondant aux régions. Donc tu te retrouves rattaché à ta région, enfin à ton chapitre plutôt du coup. Un accès à des événements privés et donc les chapitres. Accès aux groupes de discussion privés Facebook. Un suivi et des newsletters et des avantages payants sous condition. Donc du merch exclusif, des visites backstage et tu peux upgrader ton pass en VIP si tu veux aller rejoindre les gens de la haute, les gens accrédités, les musiciens, tous ces gens qui ont la chance de pouvoir être en VIP. Donc c'est vraiment l'équivalent d'un fan club. C'est vraiment pour les gens qui veulent montrer à quel point ils aiment encore plus le Hellfest. Par la suite, tu as même en plus la possibilité de t'acheter un blouson ou une veste. Enfin, tu as plusieurs supporters. Types. Ouais, voilà. La fameuse veste Hellfest supporter, c'est ça? Support. Support. Ouais. Et tu peux, on voyait ça tout à l'heure même, aller sur un site pour te faire graver ta plaque au nom que tu veux lui donner. Voilà. Pour un petit prix raisonnable de 27 euros. Ouh. Et de mémoire, la veste est assez chère aussi. Hein. 60, je crois. Je crois que c'est plus. De mémoire, je crois que ça dépend après. Ah, ça dépend peut-être du type de veste. Ouais, aussi, ouais. Je sais pas s'ils la font avec capuche, sans capuche. Ah, peut-être. Avec poche, sans poche, avec manche, sans manche. Donc, du coup, il y a des chances que, pour notre côté investigation, nous essayons d'avoir un pass demain. Tout à fait. Parce qu'on veut savoir comment ça se passe. Je tiens à revenir juste vite fait sur donc, le, c'est 149 euros le box, le pack box de bienvenue plus la stèle. Et si vous ne prenez que le pack box de bienvenue, c'est 59 euros. Voilà. Donc ça fait quand même presque 100 balles la stèle. C'est joli. Ça ferait sûrement très bien dans mon bureau pour tenir mes impayés. Mais je ne le prendrai pas, c'est trop cher. Pour ma part. T'as trop d'impayés. Non, je n'aime pas, donc c'est vraiment juste pour faire chier que je dis ça. Ah, c'est ça. Ouais. Toi, par contre, je sais que tu m'as dit que tu l'avais trouvé super bien. La stèle ? Ouais. Bah ouais, elle est sympa. Hein. Ah ouais. J'entends bien. Bah voilà, c'est ça. Et donc, si toi, par exemple, est-ce que l'accès au culte te donnera envie d'aller aux différents événements ? Est-ce que tu feras le truc genre, quitte à avoir un pass, tout tenter ? Ou c'est juste pour avoir accès à l'espace qui est sur place, à Clisson. Pour l'instant, je peux pas te dire, j'en sais rien. Mmh. Franchement, il faut, c'est une question de logistique aussi. Hein, faut mettre tout en place. Non, mais dans l'idée, je te parle pas dans la réalisation. Ah bah, dans l'idée, ce serait ouais de participer, ouais, à une soirée avant pour voir ce que ça donne et investigation quoi. Hein. Bien sûr. On n'a pas vraiment le choix de toute façon. On est obligé. On est obligé. Je suis d'accord. Bah, en tout cas, voilà pour les quelques... Ah si, il y a une petite autre news Hellfest que j'ai oubliée, qui n'est pas totalement liée au Hellfest directement, mais indirectement. Donc on rappelle, Hellfest Cult, demain, 31 octobre, 10h. De manière, vous écouterez, ça sera déjà ouvert, ça sera peut-être même déjà plein. Est-ce qu'il y aura le même engouement que pour le vent des passes? Je crois que ça part assez vite, ouais, tous les ans. Hein. Bah, je sais que il y a encore 2 ans... on pouvait l'avoir un peu plus tard. Ouais. Maintenant, on va voir. Peut-être qu'il y a beaucoup de culteux qui n'ont pas eu leur passe et qui donc vont se faire baiser pour reprendre ou vont pas le reprendre. Ça va. Ouais, bah, je sais pas comment ça marche. Bah non, du coup, on verra. Donc, je voulais revenir sur cette news. Une petite news qui est au sujet de Manowar. L'as-tu vu passer ? Oh oui, je l'ai vu passer, ouais. Donc, le guitariste de Manowar, Carl Logan, a été arrêté le 9 août. On est le 30 octobre. Ouais, autant dire, c'était hier. C'était hier. Pour possession de matériel pornographique avec des mineurs. Depuis son arrestation, le groupe n'a pas trop communiqué à ce sujet. D'ailleurs, personne n'a communiqué à ce sujet. Ben non, on l'a su qu'il y a quelques jours. Ouais. Mais la semaine dernière, le groupe a sorti un communiqué pour dire que Carl ne participera pas à la tournée, qui ne sera pas remise, donc reportée, ni que ça va aller changer quelque chose pour la future sortie de l'album. Donc deux choses m'ont marqué moi dans leur annonce. Un, c'est si tu marches avec Manowar, eh ben tu fais une connerie, tu dégages direct et ça n'arrêtera pas le groupe. T'as beau être le guitariste depuis tout le jour, c'est... Ah tant pis! Parce que dans le communiqué, on peut dire, oh, il a plus de trucs à penser avec ses avocats et tout ça en ce moment. Tu m'étonnes. Ben oui, le pauvre. Et le deuxième truc, c'est que c'est comme un connard si c'est vrai, quoi. Ah bah oui, tant que les faits sont pas avérés. Bah, c'est le problème, mais bon, s'il a arrêté depuis le 9 août, quand même. Ouais, bah ouais, c'est clair. Voilà, donc c'est une triste nouvelle pour le monde du métal, mais une bonne nouvelle pour des enfants qui vont pouvoir être mieux portants. Je sais pas, je m'en bats Ouais, un petit peu. c'est ça. Voilà, je sais pas trop comment rebondir Non, sur il n'y a là-dessus. pas. J'ai pas Non, de. je crois pas. Non, Non. non. Non, non. Parce que moi, par exemple, si j'apprenais que tu avais du matériel comme ça, bah, je serais en colère. Ah ouais? Ouais, enfin bon, après, moi, je fais pas partie d'un groupe, donc. Elle est pathétique. Ouais, c'est un groupe imaginaire, ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ça ne remettra ni en cause la tournée, ni la sortie de l'album. Exactement. Ils n'existeront jamais. Eh, t'en sais rien, ça, mec. Ouais, c'est vrai qu'il est jamais trop tôt, trop tard, trop tôt. Je sais plus. Ça me perturbe tout ça, moi je suis. Mais Hein, non, mais je suis shocking. c'est parce qu'on sait pas trop comment rebondir après des trucs Ouais, comme c'est ça, ça, ouais, donc. voilà. Ouais, t'as un peu plombé l'ambiance Mais là. on est obligé d'en Ouais. parler, c'est Manowar, un des 5 Avec groupes qui tes a été bières annoncé. qui giclent de partout, moi celui-là, ça y est, voilà, je suis largué moi dans tout Je ça. suis désolé. Bah ouais, non mais. Je suis désolé. Je Je pue le cidre, étrange. te propose. Est-ce que moi la bière était bonne? La bière est bonne, la moitié de bière, oui. Bah, Après, c'est. je te propose de passer aux albums qu'on a écoutés un petit peu. Parce que normalement, il y avait des albums, des sorties d'albums à Ouais, écouter. c'est vrai. Est-ce que tu en as écouté quelques-uns? J'ai commencé à écouter Disturb. Qu'est-ce que tu en as pensé? Que c'est pas ma came, mais que ça passe. Ça D'accord. passe, ouais, ça passe. Moi, j'ai été assez surpris déjà parce que j'ai retrouvé des chiffres sur Disturbed, donc quand même, qui ont vendu 16 millions d'albums, qui ont été 15 fois disque de platine aux USA, que leur premier single a été vu 6,3 millions de fois, le deuxième 4 millions, et la reprise de Sound of Silence de Simon & Garfunkel a été vue 448 millions de fois. C'est tout? Et en fait, j'avais dit dans une précédente émission que j'avais lu une interview où ils expliquaient que forcément le succès de Sound of Silence avait un peu influencé ce nouvel album, Evolution, et que ça pouvait se ressentir et que j'avais un peu peur de ça. Et en fait, j'ai trouvé que l'album était très, très, très équilibré. Ça commence par justement le premier single. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez courageux parce que quand tu commences avec le premier single, c'est que soit tu as hyper confiance avec tout ce qu'il y a derrière, soit tu te dis, bah voilà, j'ai donné les meilleures cartouches maintenant et tant pis. Mais je trouve ça un peu. Enfin, tu vois, c'est le single, il marche bien, il est premier sur l'album, donc derrière, c'est que des nouveautés, quoi, en Ouais. gros. Et en fait, l'album est un parfait mélange entre des chansons type Disturb énervé et des ballades ou des chansons un peu plus mid-tempo. Et ça fait un album qui s'écoute super facilement. Il passe vachement bien. Alors, le petit souci, c'est que ce ne sont pas les meilleures chansons de Disturb. Celles qui sont les plus énervées. Les ballades, elles sont très bien. Mais en fait, c'est en tant qu'album qu'il est vraiment réussi. Il est réussi en tant que entité d'album. Il s'écoute très très bien. C'est pas le meilleur album de Disturbed. C'est assurément un album qui peut être écouté n'importe quand, sans aucune. Tu sais, quand t'es un peu en entre-deux, tu dis, ah, je sais pas trop quoi écouter. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Bah, tu mets cet album de Disturbed et ah, d'accord, ça passe bien. Il est assez court. Et vraiment, moi, il est passé tout seul. Et pourtant, je me disais, ah, c'est pas ce que j'ai envie d'écouter quand j'écoute du métal. Mais j'étais obligé de dire, ah, mais il est bien. Ça marche, ça fonctionne, c'est bien, quoi. Et un autre petit détail que j'ai trouvé intéressant, c'est que déjà, bah, David Draiman est un très très bon chanteur qui fait ce qu'il veut avec sa voix. Et il fait tellement ce qu'il veut, à un moment donné, tu as une chanson, j'ai cru que c'était un featuring. Or, c'était lui qui avait modifié sa voix, en fait. C'était une balade, ça passait bien, mais je dis, putain, c'est qui chante? Je dis, oh, putain, c'est lui. Donc j'étais un peu Ouais. en mode surprise, voilà. Ok. Donc moi, c'est un album que j'ai bien aimé, même si je le trouve trop calme. En fait, ça me rappelle un peu ce que je disais la dernière fois sur Freak Kitchen, c'est le côté c'est pop. Bah, je trouve ça Ouais. sonne presque pop, même dans le côté énervé. C'est gentil. D'accord. Bien, mais gentil. Ouais. Voilà ce que j'en avais à dire. Tu recommandes cet album? Oui. Oui. Surtout aux gens qui aiment, enfin, qui aiment Disturbed pour qu'ils aient leur avis, mais surtout à tous les autres. Parce que ceux-là, ils vont en vendre des palettes. Des palettes et des palettes. Ah ouais. Ah, il va cartonner. C'est un spoil. Non. As-tu écouté le nouveau Soulfly? Parce que pas envie? Parce que j'y ai pas pensé en fait. Ah mince. Mais tu sais quand tu m'as envoyé un message, mais hey, qu'est-ce que je dois écouter? Ouais, tu me l'as mis, ouais. Bah Ouais, j'étais bourré à ce moment-là. ouais. Ah, c'est pas grave. Je l'ai écouté plusieurs fois, bien sûr. Est-ce que tu te souviens de l'époque du début de Soulfly? Vaguement, ouais. C'était la fin de Sepultura. Max revenait avec un groupe un peu dans le moment du nu metal, mais il avait gardé un peu ses racines tribales. Et il faisait des duos un peu avec tous les chanteurs de tous les groupes cool du moment, quoi. Corey Collott, Corey Taylor, Chino Moreno, il y avait tout le monde, quoi. Et à chaque fois, je trouvais que les albums étaient sympas parce qu'il y avait une espèce d'énergie et tout ça. Et puis, Soulfly s'est perdu pendant 5-6 albums. Ouais, c'est peut-être pour ça que je pas. Selon moi, ils sont vraiment perdus, mais. Et. J'avais entendu parler que le producteur était un vrai fan du Soulfly des débuts et qu'il les avait, il avait voulu que ça sonne pareil. Et en vrai, l'album est exactement comme ça. Il est très très bien. Il est très très très sympa à écouter. Il y a une vraie vraie bonne énergie à la Soulfly. Mon seul petit bémol, ça serait dans chaque album de Soulfly, tu as une chanson, tu as un morceau sans parole, un instrumental Oui. qui reprend un peu toutes les influences de. Et là, ils ont été un peu trop loin. Là, Ouais. ça me faisait penser à une musique de. Est-ce que tu arrives à te souvenir un peu de la musique qu'il y avait dans L'Arme fatale, le film? Oh, punaise, non? C'est une espèce de musique de film un peu à l'américaine où. Enfin, là, ça fait un peu ça, avec un peu de trucs de saxo de temps en temps. Enfin, c'est un peu. J'ai fait. Non. Là, j'ai dit non. Là, vous m'avez perdu, les gars. D'accord. Ouais. Ah bah écoute, j'irai voir ça. Ça te fera penser à un peu au film américain. D'accord. Ouais, Good cop, Soulfly. bad cop, chaque fois qu'il y a deux flics, un peu des buddy movies et que des petites musiques à la fin d'une scène, ça fait comme ça, je me dis waouh. Ok. Voilà, ça c'est pas ouf. Mais sinon, l'album, un peu comme Disturbed, passe aussi très très vite. Il y a une Ouais. espèce de mouvance d'album court, je trouve, en ce moment. Ouais, c'est les mecs qui sont pas inspirés, peut-être. Ouais. Rise of the North Star, The Legacy of Sin. As-tu jeté une oreille? Ouais. Alors? J'ai écouté qu'un morceau, hein, pour te dire. Donc voilà. Mais ça sonne bien. Ça reste du Rise of the North Star. T'as écouté quel morceau? Oh, je ne sais Neketsu? plus. Je ne sais plus. Je pourrais même pas te dire le nom du morceau. Ouais, non, bah après, voilà. Je suis pas fan, mais ça passe bien. D'accord. Et toi, qui es fan? Je suis pas fan. Non, oh, arrête, J'ai écouté j'ai ton plusieurs fois et poster dans ta chambre. j'attendais beaucoup de ce nouvel album. Et je dois dire en fait que sur l'ensemble, j'ai été un peu déçu en fait. Parce que j'avais déjà écouté trois morceaux qu'on circulait avant. Il y avait le premier single, le deuxième single et Neketsu qui est sorti juste au moment de la sortie. Et ces trois morceaux sont top. Je veux dire, le premier single, je l'avais adoré, le deuxième marchait très bien. Et le début de l'album marche bien. Et il y a des passages qui mêlent un peu de rap, un peu trop. T'as des trucs type justement Rise of the North Star avec des gimmicks de chant qu'il utilise, qui pour moi marchaient un peu mieux dans le premier album. En fait, je trouve que ce deuxième album ne vient pas aller plus loin que le premier album. Il va pas plus. Enfin, les morceaux que j'aime bien, je les aime plus que ceux du premier album, mais les morceaux que j'aime pas trop font redescendre un peu trop le truc à un moment, font décrocher en fait de ce que j'écoute et me disent ah non, là ça va pas quoi. Même s'il y a des trucs bien, mais ça fait redescendre. Par contre, le vrai point fort de l'album, c'est l'enchaînement des morceaux. Ouais. Je trouve que ça se marie extrêmement bien. Il y a vraiment, même dans les morceaux que j'aimais pas, à la fin ça repartait sur un truc qui était bien, je dis bah ouais, ça passe ça. Mais il y a vraiment des trucs que j'aime pas. Et principalement tous les passages avec du chant rappé, tout ça. Ouais. C'est trop. C'est limite du freestyle, il y a des trucs, c'est pas pour moi. C'est pas mon délire. C'est pas du Ouais, je vais avoir le temps, tout je mon vais aller délire. écouter tout ça. Ouais, non, mais après, il y a des trucs bien dedans, mais je suis un peu déçu, je suis un peu resté sur ma faim. Je m'attendais à. Les singles étaient pour le coup, tu vois, trop forts par rapport à ce que j'ai écouté sur le reste. Un petit nouveau Massive Stereo, mais t'as dû être content, dis-moi. Ah bah écoute. En as-tu jeté des choses? Ouais. Tu l'as écouté? Ouais, trois fois. Putain! Ouais. Alors? Bah pour vraiment me faire une idée, parce que Massive Stereo, c'est pas ma came depuis un moment. Oui, on a écouté tous le premier épisode. Voilà. Et que dire? Faut pas s'attendre à une prise de risque au niveau chant et parole. Enfin, chant, je sais pas comment on peut dire. Comment tu dis dans ces cas-là? Ce qui chante pas, il parle. Ouais, tu veux dire, ça reste du mousse classique. Voilà, tout à fait. Voilà. Mm-hmm. Il n'y a aucune prise de risque à ce niveau-là. Musicalement, ça tabasse toujours, forcément. Hein. Il y a pas, d'un bout à l'autre, ça tabasse. Hein. Il n'y a pas un moment de répit. Quoi. Moi, j'attendais quand même Babylone. Je ne l'ai pas eu. Donc déçu. Ouais, Zion, Babylone. J'ai été content, j'ai eu le positif quand même. J'étais content. Par passion. Voilà. Positif par passion. Positif à bloc. Ça, c'est pas mal. Le dernier morceau m'a bien plu. Non. Non. Si. L'instrumental ? Ouais. Ah bon ? Non, parce que j'ai été surpris tout simplement, ah mais oui. Ça m'a pas plu, voilà. Ah non, mais moi, c'est limite la tache noire sur l'album. Ouais, non, non, mais après, je fais, tiens, ok, d'accord, pourquoi pas. Ah ouais, non, là... Non, non, ça m'a pas plu, voilà. Ah non, moi, ça me fait un peu comme certains morceaux de Rise of North Star, ça m'a totalement fait décrocher. Bah, c'est le dernier, donc après, tu peux couper, hein, si tu veux. Pas, ouais, mais je sais pas, rien je, derrière, trouve, donc, je trouve que ça finit mal, justement. Bon, ça... Enfin, là, pour le coup, ça, c'est plus mon truc. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Moi, je l'aurais vu plus court et au début de l'album, pour lancer le truc. Mais après... Tu vois, j'écoutais encore tout à l'heure et je me suis dit, tiens, toutes les intros, c'est des espèces de petits sons électroniques. Je me suis dit, ça, t'as pas dû aimer ça. Non. Ouais. Alors, pour aller un peu plus loin de ce que t'as dit, moi, et dire ce que j'en pense, je trouvais que c'était la suite totalement logique de Matière Noire, dans une espèce de continuité où, justement... Ils vont un peu plus loin musicalement. De ce que j'ai pu me renseigner, Matière Noire a été apparemment un album taillé pour le live. Ça, je l'ai vu, donc effectivement, c'est le cas. Et là, je trouvais que c'était encore plus le cas. Tu sens vraiment les morceaux, comment ils vont pouvoir vivre en live. Parce que tu as les interactions que peut avoir Mousse quand il balance des « Allez !» Et ça se marie super bien. Et que les morceaux, j'ai trouvé en fait, les morceaux avaient une espèce de simplicité dans la composition, mais dans le but de pouvoir exploser sur scène. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une espèce de riff qui s'enchaîne et qu'après, il a poussé un peu plus loin. Ouais. Et c'est un peu ce même schéma qui revient de temps en temps, qui revient régulièrement, mais dans le but justement d'être du live, quoi. Et c'est vraiment une continuité, je trouve qu'il y avait déjà ça sur Matière Noire, mais là, c'est une continuité où musicalement, il tabasse encore plus, comme tu dis. Enfin, tu dis pas encore plus, mais qu'il tabasse sur toute la longueur, ça, c'est le cas. Moi, je trouve qu'il tabasse encore plus. Il a été vachement comparé à du Slayer musicalement et qu'il a été reconnu par Ian, maintenant qui est devenu le compositeur attitré de Massisteria, qui est donc un guitariste qui a rejoint Mass dans les débuts, mais qui n'était pas le compositeur. Et lui, il vient du death metal. Ouais. Donc pendant plein d'albums, il est resté en retrait un peu. Ouais. Et ça fait 4-5 albums qui est devenu le principal compositeur. Et là, il s'est lâché sur celui-là. Il a dit que c'était son espèce de dommage à Slayer, qu'il a adoré tout ça. C'est vrai que tu retrouves certains passages dans le côté échange de guitare et de sonorité un peu trash et rapide. Mm. Je te rejoins un petit peu sur le côté qu'il n'y a pas d'évolution au niveau chant ou machin. J'ai pas été plus que ça emballé non plus par les textes. Je veux dire, voilà, j'ai trouvé que c'était justement une continuité de Matière Noire, vraiment, pour le coup, la continuité. Mais c'est vraiment musicalement que ça a poussé un truc et que ça m'a donné quand même envie d'aller voir en live ce que ça donne, parce que ça doit... C'est sûr que oui, par contre. Et du coup, si ça t'intéresse, Nico n'a pas pu avoir de place à Rouen, c'est complet, mais il est assez chaud pour venir à Caen. Ah bah ouais. Donc, comme je lui ai dit... Bah, l'ai dit, hein, de toute façon, ouais, il n'y a pas de souci. Moi, si tout se goupille bien, ça peut être jouable. Comme j'ai dit à Nico, ça serait une raison supplémentaire d'aller les voir s'il était là. C'est gentil. Bah oui. Moi pas plus, mais c'est normal. Il faut qu'il y ait qu'un gentil. C'est ça. Du coup, est-ce que c'était une écoute désagréable ? Non, en soi, véritablement non. C'est pas du tout une écoute désagréable. Il passe très bien cet album. Il y a pas de souci. J'ai vu énormément de battages de magazines, de web magazines qui nouveau Massisteria machin truc. Bah ouais, mais après voilà quoi, si ils font pas non plus des caisses pour d'autres albums qui valent aussi le coup, et voire autant, voire plus le coup. Et non, j'ai trouvé ça un peu trop survendu, et du coup ça m'a un peu arrêté sur le truc. Comme l'album en lui-même est bien, il passe très bien, il n'y a pas de souci. Je l'ai écouté 3 fois, donc ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Après, moi, je suis vraiment gêné par la façon de chanter, de s'exprimer. Ouais. C'est vraiment ça, moi, qui m'arrête sur Mass. Sinon, musicalement, je te dis, ça ne me gêne pas, j'adore. Enfin, franchement, c'est tout ce que j'aime dans ce genre de musique, on va dire. Et ben, tu vois, justement, comme j'ai été lire plusieurs interviews, ce qui est assez intéressant, c'est que... Donc, il compose d'abord la musique, et après, Mousse vient écouter, et il sait pas... lui-même, il dit qu'il sait pas comment il va pouvoir placer sa voix là-dessus. Ouais. Et du coup, Yann, donc le compositeur, a déjà une idée de ce qu'il veut, ce qu'il attend. Et en fait, chaque fois, Mousse propose quelque chose d'autre, et c'est ça, il dit, qu'il crée la différence, justement, et la particularité de Massisteria. Et c'est, en fait, c'est un peu en ça que je le rejoins. Parce que je comprends tout à fait, toi, ce que t'aimes pas, je le vois, mais je comprends aussi ce qui fait l'identité de Massisteria. Tu vois ? Ah bah oui, non, mais ça, y a pas de souci à ce niveau-là. On confond pas avec un autre groupe, tu vois. Ah bah non, c'est clair. C'est pas un growler, c'est un mec qui vient faire ça et ça, et tu dis, ah bah du coup, ah d'accord, c'est Massisteria, c'est ce qu'ils proposent, eux. Ouais. Tu vois, et c'est en ça que... Ouais, mais j'aurais bien aimé, au moins sur une chanson, qu'il y ait une petite prise de risque à ce niveau-là, et que, voilà... On pourrait s'y attendre, enfin je sais pas. Sur Rise of the North Star, il y a une petite prise de risque à un moment donné. Ouais. Parce que j'ai cru que c'était un autre groupe. Au niveau du chant, on n'est pas loin de. Un peu trop. D'accord. Donc, des fois, la prise de risque. Ouais, bah, écoute, j'irai écouter ça. Très bien. Est-ce que tu recommanderais quand même cet album ? Oui. C'est bien, t'es un mec brave. Alors pour la blague. On dit ça d'un berger allemand, quoi, éventuellement. Alors pour la blague, Gravity de Bullet for My Valentine, as-tu écouté ? Pour la blague, c'est con, j'aurais bien aimé te troller sur ce coup-là, mais non, je l'ai pas écouté. Non, bah moi non plus, hein, j'ai pas été écouté la version avec les pianos, bah non. D'accord. Et les tambours du Bronx alors ? Bah, je savais même pas qu'ils avaient un album. Bah écoute, on le garde pour une prochaine fois. Tout à fait. Comme ça, t'iras l'écouter. Tout à fait. Donc je te rappelle, c'est les tambours du Bronx avec l'ancien batteur de Dagobah. Ouais. Le chanteur de Lofofora. Ouais. Et le guitariste de Lootblast. D'accord. Donc voilà. Donc tu seras peut-être un peu surpris de ce que tu vas écouter. Je te préviens d'avance. Non, bah écoute, pas de soucis. Hein. Et qu'est-ce que t'en dirais si maintenant on passait au dernier des groupes annoncés cette année au Hellfest, le monument, l'entité, le tueur, comme on l'appelle. Voilà. C'est ça. Je parle de Slayer. parce que bon, tout le monde n'est pas avec nous, donc tout le monde ne sait pas ce qu'on va dire. Donc, alors, est-ce que tu veux que je te fasse un petit résumé ? Un petit rappel ? Vas-y. Donc, Slayer est un groupe de thrash metal américain que tout le monde connaît. Même quand il ne l'a pas écouté, tout le monde connaît Slayer. Tout le monde. Rien que pour une photo que presque tout le monde a vue, même les gens qui n'écoutent pas le metal. C'est qu'il y avait une photo d'une des filles Kardashian qui avait un t-shirt de Slayer. Et le guitariste Gary Holt qui avait un t-shirt qui était Kill de Kardashian. Voilà. Rien que pour ça, tout le monde a au moins une image de ce qu'est Slayer. Qui était porté par Tom aussi, je crois, hein, souvent. Oui, et pour le reste aussi, tout le monde a au moins entendu une fois une chanson de Slayer, ça va, Rain in Blood. Voilà. Donc Slayer est un groupe de thrash metal américain originaire de Huntington Park en Californie. Le groupe est formé en 1981 par les guitaristes Jeff Hanneman et Kerry King, puis recrute ensuite Tom Araya au poste de chanteur-bassiste et Dave Lombardo en tant que batteur. Pareil, hein, tout le monde voit qui est Kerry King à partir du jour où il s'est rasé le crâne. Ouais, quand tu regardes les photos de Slayer avant, au début, c'est clair. T'as du mal à retrouver c'est lequel. Ouais. Et après, une fois qu'il s'est rasé le crâne, s'est laissé pousser le bouc, s'est fait son tatouage qui prend la moitié du corps et a mis un poignet clouté de 20 cm. Avec sa grosse chaîne. Ouais, aussi. Là, voilà. Là, c'est bon. Ah, c'est gros chien. C'est Kerry King. En plus, il a un caractère de merde. Voilà. Enfin, bref. Slayer est connu pour être l'un des groupes leaders du mouvement thrash metal et considéré comme l'un des big four des groupes de thrash avec Megadeth, Anthrax et Metallica. Donc, à noter qu'avec Dave Mustaine dans Megadeth et Kerry King dans Slayer, t'as face à deux têtes de con. Voilà. Voilà. Je t'arrête à deux têtes de con. Est-ce que tu sais comment ils se sont rencontrés, ouais. Dave Lombardo? Ah, Develo Bardo, alors j'ai cru le lire. Oui, il lui livrait une pizza. Ouais. Ouais, je trouvais ça pas mal. Avec la sortie en 1986 de Rain in Blood, nommé le meilleur album heavy de tous les temps avec Master of Puppets de Metallica par Kerrang. C'est là qu'ils ont été considérés comme l'un des Big Four. Slayer est connu pour son style musical particulier, y compris pour les tremolo picking, les solos, la double grosse caisse et le chant hurlé. Oui, car Dave Lombardo fait plus de grosses caisses que de double pédale. Ah bah on le sent sur je sais plus quel album que la double pédale, ça y va. Ah fais gaffe, qu'il est pas là tout le temps, Dave Lombardo. Oui, je sais, ouais, j'ai vu ça. Ouais. Il a quitté le groupe 3 fois. Ouais, ouais. Les chansons fâché du... à chaque fois en plus. Ouais, ouais. Fâché, ouais. Les chansons du groupe et ses pochettes basées sur des sujets tels que les tueurs en série, le satanisme, la religion, la guerre et la politique ont entraîné des censures, des retards de sortie, des procès et de fortes critiques de la part des groupes religieux et du public. Depuis leur premier enregistrement en 1983, le groupe recense 2 albums live, 1 coffret CD et 11 albums studio, dont un cover album qui a été pour moi la grosse surprise. Est vendu 35 millions d'albums dans le monde. Le groupe est nommé 2 fois au Grammy Award et est récompensé en 2007 pour leur chanson Eye of the Ancient et en 2008 pour la chanson Final Six qui se trouvait sur l'édition limitée de Christ Illusion. Petite parenthèse, j'avais acheté l'album Christ Illusion. Et quand j'avais vu cette année-là par hasard qui avait été récompensé pour la chanson, c'était vraiment par hasard. Et je dis, Slayer. Et j'avais l'album et je dis, mais putain, mais il est pas bien cet album en plus. Et je dis, c'est quoi comme chanson? Je l'ai pas. Et en fait, j'avais l'album normal. Ouais, d'accord. Du coup, c'est un peu les boules de dire, ah bah c'est bien. La meilleure chanson de l'album, elle est. Ah bah elle est pas dessus. Voilà. Le 20 et les 22 janvier 2018. Et les 22? Non. Et le 22 janvier 2018. Bah alors non, c'est pas en 2018. Ah bah si. Le 22 janvier 2018, les membres annoncent la fin du groupe avec une tournée d'adieu prévue. Plus de nouvel album, tout est fini. Slayer, c'est fini. Voilà. Donc il y a d'autres choses qu'on peut... Il y a 2-3 petits trucs qu'on peut noter, enfin que j'ai vu passer, que j'ai essayé de retranscrire tel quel. Alors pour enregistrer le premier album, ils ont combiné les économies de Tom Araya, le chanteur, qui était employé comme thérapeute respiratoire. Ouais, j'ai vu ça. Ça m'a fait rire. Ouais. Voilà. Et l'argent emprunté au père de King. Après, pour promouvoir l'album, ils sont partis en tournée avec la voiture d'Araya et une remorque. Et une remorque. C'était pas mal. Ouais. Durant la tournée de 84, King quitte temporairement Slayer pour rejoindre le nouveau groupe de Dave Mustaine, Megadeth. Alors que Mustaine voulait que King reste dans Megadeth en tant que membre permanent, ce dernier retourne chez Slayer après 5 shows, déclarant que le groupe demandait trop de son temps. La séparation provoque une rupture entre King et Mustaine qui a évolué en querelle entre les deux groupes. Ouais. Une petite querelle après qui s'évalue à base. Et King, le surnomme comment? Le suceur de bite. Oui, ça a duré pas mal de temps. Enfin bref. À la suite du succès de Hello Wait, leur second album, Slayer obtient un contrat d'enregistrement avec le nouveau label fondé par Russell Simon et Rick Rubin, quand même un producteur de légende. Ouais. Le label s'appelle Def Jam Records, un label de hip-hop. Tout à fait. C'est déjà le groupe qui part bien, quoi. Ouais. Donc après, bien sûr, le distributeur de Def Jam Records est Columbia Records, qui refuse de sortir Rain in Blood à cause de sa couverture et des paroles. Par exemple, Angel of Death détaille les camps de concentration de l'Holocauste et des expérimentations humaines conduites par Joseph Mengel. L'album est alors distribué par Geffen Records. Toutefois, en raison de la controverse, Rain in Blood n'est pas apparu sur le planning des sorties de Geffen Records. Bien que l'album ne passe pas à la radio, c'est le premier du groupe à entrer dans le Billboard 200 en arrivant à la 94e place du classement et le premier album du groupe à être disque d'or aux États-Unis. Donc je vais passer un peu sur toute l'histoire du groupe et revenir juste sur un peu leur style musical. Leurs premiers albums sont salués pour leur vitesse époustouflante et les prouesses instrumentales, combinant les tempos du punk hardcore et du speed metal. L'album Rain in Blood est le plus rapide avec des rythmes de batterie atteignant les 250 BPM. L'album Diablo Sin Musica est le premier avec une guitare accordée en drop D. Goddess U Soul est le premier en réglage drop B, faisant intervenir des guitares à 7 cornes. Les solos de guitare de Jeff Hanneman et King ont été qualifiés de sauvagement chaotiques et génialement tourmentés. C'est vrai que c'est assez quand même quand t'écoutes un solo de... T'écoutes pas ça pour la mélodie. Non, c'est clair. Tu vois vraiment non, c'est violent. C'est vraiment des trucs de assez pas mal. Dave Lombardo a quant à lui été surnommé le parrain de la double grosse caisse décerné par Drummer World. Voilà. Il utilise... Ah, peut-être que tu pourras nous éclairer. Il utilise pour la double grosse caisse la technique du heel-up. Tout à fait. Ah, d'accord. J'attendais un peu plus que ça. Ouais, bah écoute. Alors, en dehors de Mustaine, Kerry King, enfin, de Mustaine et Slayer, on va dire, Machine Head aussi, un petit peu, c'est un peu fâché avec. Enfin, plus Slayer avec Machine Head que Machine Head avec Slayer. En gros, parce que Kerry King a traité. Les a traités de vendus après la sortie de Supercharger, à ce moment, à l'époque, néo metal, tout ça, tout ça. Bon. Voilà. Alors, ils n'ont pas réagi en fonction de, l'apparition de Kerry King dans une vidéo de Sum 41. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, pour se moquer en disant, c'est vrai que ça, c'est mieux. Au niveau des controverses, Slayer est accusé d'avoir la sympathie pour les nazis du fait de la ressemblance du logo du groupe avec le signe SS appliqué par sur les guitares des musiciens. Alors, fan club dénommé Sletanik Wehrmacht, voilà. À cause des paroles de la chanson Angel of Death. Les paroles de Angel of Death sont inspirées par les actes de Joseph Mengele, le médecin ayant conduit les expérimentations sur des êtres humains durant la Seconde Guerre mondiale à Auschwitz et qui est surnommé l'Ange de la Mort. Durant leur carrière, les membres du groupe ont été interrogés à de multiples reprises sur ces accusations et ont déclaré qu'ils ne cautionnaient. Ouh là là! Ça va, toi ? Ça va, ouais, bien. J'ai un petit souci. Ils ont déclaré qu'ils ne cautionnaient pas le nazisme. Ni le nanisme, d'ailleurs. Ils cautionnent ni l'un ni l'autre. Le guitariste Jeff Hanneman s'est notamment défendu de ces accusations en insistant sur le fait qu'il n'y a pas besoin qu'une chanson le dise explicitement pour savoir que les actes de Mengele sont atroces et condamnables. Par contre, fait intéressant et qui a pu causer d'autres problèmes, donc sur leur album de reprise, qui est un album de reprise de punk hardcore... Mais qui m'a surpris du coup, parce que je ne m'attendais pas à ça. Ouais. La reprise de Minor Threat, intitulée Guilty of Being White, coupable d'être blanc, soulève la question d'une hypothétique apologie de la suprématie blanche par le groupe. La controverse entoure la reprise dans laquelle le refrain Guilty of Being White est changé en Guilty of Being Right. À la fin de la chanson, cette situation irrite le chanteur de Minor Threat, Ian McKay, qui déclare « C'est une offensive envers moi ». Ouais. Donc, du coup, voilà. Après, il y a bien sûr tout ce qui est leur accusation de satanisme et tout ça, ou la chanson « Djihad » qui figure sur l'album « Christ Illusion » crée immédiatement une polémique au sein des familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001. La chanson traite de ces attentats du point de vue des terroristes. Le groupe précise bien qu'ils se plaçaient de leur point de vue sans pour autant adhérer à leur cause. Les autorités de la ville de Fullerton en Californie jugeant offensantes les publicités pour cet album, ils jugent aussi inapproprié la représentation de l'antéchrist et des crânes, de même que le simple nom de Slayer qui serait une incitation au meurtre. Le groupe est contacté et la municipalité exige que les publicités soient retirées. Finalement, toutes les publicités ont été retirées. Et le dernier gros fait, un gros fait quand même. En Inde, l'album est rappelé par Emi India après des protestations de la part de groupes religieux musulmans et catholiques. Quant à la nature du dessin de la pochette, la couverture est de Larry Carroll. Elle représente un Christ au bras amputé, borgne, debout dans une mer de sang. Le 11 octobre 2006, Emi annonce que tous les stocks avaient été détruits. Eh ben bravo. Voilà. Donc Slayer est un groupe qui dérange et qui en joue forcément un petit peu. Bah, bien sûr. Je n'ai pas parlé de la mort de Jeff Hanneman, même s'il n'a pas eu de bol, parce qu'après avoir contracté une maladie, après s'être fait piquer par une araignée qui l'a empêché de jouer pendant des années. Il est mort d'une cirrhose. Voilà, c'est pas de bol. C'est quand tu dois y passer, voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc, on a tous vu Destination Finale, non ? Exactement. Alors Slayer, qu'en as-tu pensé ? Quel était ton avis avant ? Alors... c'est important cette nuance. Parce que tu le sais, c'est pour ça. Tu ne m'aurais pas posé les questions. Parce que je ne connais pas ton avis aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc non, c'est justement pour savoir d'où on part. Alors, mon avis avant était que Slayer, pour moi, était très répétitif. Des albums que tu m'avais prêtés. Oui. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller écouter les premiers albums. Et je me rends compte qu'en fait, non. Moi, je ne trouve pas si répétitif que ça, parce que les premiers albums, on va dire de 83 à 89, sont plutôt changeants. Bon, les deux premiers, on va dire, se ressemblent un petit peu, vaguement. Ouais. Mais après, c'est un petit peu plus... Bah, justement, ils l'ont dit, c'est moins speed, c'est moins... Ouais. Ils ont tenté un truc. Plus posé, ouais. C'est après Rain in Blood, déjà. Voilà, justement, parce que Rain in Blood était plus rapide et ils n'ont pas pu faire la même chose. Hein. Donc, ils ne voulaient pas faire la même chose. Ils ont décidé de ralentir. Voilà, ils ont ralenti le tempo. Et du coup, on le ressent bien. C'est pas mal. Après, voilà, je suis pas un fan de la première heure de Slayer. Je suis pas un fan de Slayer non plus. Mais ouais, j'aime bien cette partie-là, justement, les années 80. Ouais, ça me correspond plus que ce qu'ils ont fait après. D'accord. Après, tu m'avais passé aussi Gods at All Soul. Que j'ai trouvé pas mal. Hmm. Voilà. Pas du tout répétitif musicalement, assez changeant quand même, donc plutôt intéressant. J'ai bien aimé, non, franchement, moi, ça me parle plutôt. Ouais. Après, j'ai pas tout écouté, j'ai dû écouter entre 5 et 7 albums, je sais plus. Ouais. Ce qui est déjà pas mal sur les 11 qu'ils ont fait. Ouais. Mais ouais, non, ça va, ça passe. T'as ça pas reste du bon trash. T'as pas écouté l'album de reprise? Non, j'ai pas eu cette occasion, mais c'est prévu que j'écoute. Et les derniers albums? Les derniers non plus. Donc il y a Christ Illusion, World. Paint in Blood. Ouais, et Repentless. Ouais. Non, je les ai pas écoutés ceux-là. Bah, je crois pas. Ou alors, il y en a peut-être que tu m'as prêté. Bah, j'ai dû peut-être te prêter Christ Illusion à l'époque. Mais Ouais, c'est possible, ouais. Ouais. Et bah, alors, moi, pour aller un peu dans le même sens que toi, donc j'ai tout écouté. Donc, les deux premiers, moi, ça me parle pas du tout. Je trouve ça pas assez travaillé, du coup. Ah bah le premier il est c'est brouillon au possible. Et même le chant au niveau du chant tu le sens bien qu'il y a des ils ont laissé tomber sur le deuxième d'ailleurs oui, justement bah déjà, tu commences à voir que oui ils ont commencé les chants très aigus là les cris très aigus ouais. Qui après sur la fin ouais ça ils ont laissé tomber je pense qu'à mon avis ça correspondait pas au truc. Non mais tu sens vraiment que c'est le premier album d'un groupe voilà, ouais. Tu sens vraiment ah, totalement ça. Même au niveau de la prod et voilà, tout ils viennent poser des choses d'ailleurs parce que j'ai oublié de le dire aussi il est quand même souvent considéré comme l'un des principaux groupes qui a influencé, qui a permis la création du death. C'est que beaucoup ouais. De gens se sont inspirés de Slayer et après ont évolué pour faire du death metal. Et donc, le deuxième ne m'a pas non plus branché. Rain in Blood, ouais, bah ouais, je l'avais en fait, j'aime bien cet album, je trouve qu'il y a vraiment des trucs. Et après, ce qui s'ensuit derrière, bah j'accroche pas jusqu'à la période Diabolus in Musica, qui est l'album juste avant God at Soul. Ouais. Je vois. Et en fait, ça, c'est la période que je préfère, moi. C'est la période, je trouve, qui groove le plus, ouais. Qui est plus dans ce que j'aime, dans le côté, justement, bah, grosse variation, qui est moins dans le côté trash trop rapide pour aller vite. Je suis d'accord pour dire qu'il y a moins de répétition dans le début. Mm. La partie, donc, God Bless You Soul et même Diabolus in Musica, et même un peu l'album d'avant, dont j'ai oublié le nom... je vais le retrouver. Donnez-moi une seconde, les gens. Soyez sympas. Oh, ça, on est à la cool, merde. Et demain, c'est entre nous. C'est quasiment. C'est pas demain, mais c'est quasiment férié. C'est vrai en plus. Alors soyez. Oh, je suis pas connecté, mais viens pas m'embêter. Non mais la vie comme elle est. Tac. Divine Intervention. C'est entre deux. Il y a eu une dispute attitude, qui est l'album de reprise. Donc ceux-là, ils sont bien musicales, bien comme j'aime. Alors, surtout Diabolus in Musica et God Bless You Soul. Et après, Christ Illusion, World Painted Blood et Repentless. Non. Enfin, le pire, c'est quand même World Painted Blood. Alors celui-là, c'est le pire. Ouais. Celui-là, quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais il s'est passé quoi avec la prod? Il s'est passé quoi Là, je me suis vraiment dit qu'il y avait un problème. Vraiment. Je vois vraiment plusieurs périodes à Slayer. La première période qui est le début du trash et tout ça, qui est dans la période vraiment où sans que ça se répète effectivement tant que ça, je trouve qu'il y a vraiment une arrivée à Rain in Blood et après c'est pas du tout il y a pas d'évolution pour moi, je trouve justement, j'ai l'impression qu'ils retournent effectivement ils ont ralenti donc le but c'est pas forcément d'être sur le plus, mais je trouve que ça va moins ça va pas aussi haut. Pas aussi. Bah, ils l'ont dit, hein, de toute façon, ils l'ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas aller. Ils ne pouvaient pas faire aussi fort, mais du coup, je trouve que il y a une espèce de ventre mou après sur plein d'albums avant de revenir sur quelque chose de. Qui me parle moins, en tout cas. Ouais. Qui me parle moins. Donc, moi, je suis plus un fan, on va dire, si on devait définir trois périodes, je suis plutôt fan de la période des années 98. Voilà. Ouais, d'accord. Diabolus in Musica, c'est plus 90. Ouais. Alors, j'ai bien aimé Divine Intervention, mais comme entre deux, il y a l'album de reprise hardcore qui, quand je l'ai écouté, je fais quoi? Quoi? J'ai été vérifier que c'était bien. Oui, ça c'est bien ce qu'il y a. J'avais complètement zappé qu'ils avaient un album de reprise. Ouais. Et bah, c'est vraiment du hardcore, donc du coup ça fait bizarre. C'est pas du hardcore mais à la sauce layer. Ouais, c'est du hardcore. Ouais. Donc ça fait. J'irai l'écouter. Ouais. Ça fait un peu bizarre. C'est pas forcément nul, mais j'étais pas en mode. Ouais, t'étais en mode Slayer. Quoi. Voilà. À noter aussi qu'ils ont fait quand même le soundtrack to Apocalypse, qui a quand même 71 titres. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'avais commencé à l'écouter sans voir le nombre de titres. Je me suis dit, ouais. J'arrête. Et non, bah vraiment, moi j'ai vu le nombre de titres, c'est ça qui m'a arrêté. Et autant je pense que Repentless, donc le dernier album, a quelques trucs intéressants, autant World Pet and Blood, lui, c'est, pour moi, c'est un échec. Et Christ Illusion, mais vraiment, mais même en termes de prod, hein, ouais. Au niveau du son, ça va pas. Et Christ Illusion, un album un peu entre deux, j'ai rien à en sortir. Quoi. Bah, ouais. À part la chanson qui a eu un prix, mais sur la version Deluxe. Bah voilà, c'est donc, ça. Et sinon, je t'avais dit que j'avais l'impression que, selon les chansons, c'était peut-être un tel qui avait composé plus que l'autre. Ouais. En fait. Et donc, j'ai un peu noté les chansons que j'aimais plus. Et effectivement, c'est soit celle de Jeff and Man tout seul, ou Jeff and Man et Kerry King. Ouais. Mais celle où il n'y a que Kerry King, c'est beaucoup moins ma cam. Ouais. Étonnamment. Donc, et principalement sur les sur Rain in Blood, Diablo Sin Musica, Goddess Your Soul, et même Christ Illusion, il y en a une ou deux que j'aime bien. Voilà. Donc, du coup, tu changes un peu d'avis sur le côté répétitif. Moi, je continue de trouver qu'il y a quand même un petit côté répétitif à un moment donné. Mais peut-être plus sur les périodes 2000, non ? Bah, après, alors. Après, ouais. Alors, plus sur la fin, en fait. Ouais. Sur la fin. Ouais, c'est ça. Mais du coup, justement, ça fait tout le temps un peu. C'est dommage. Parce que ce que j'aime ce que j'aime vraiment beaucoup dans Diablo Sin Musica et Goddess Your Soul, c'est une espèce de rythmique, de groove, de truc qui. Enfin, ça fonctionne bien, quoi. Et c'est pas forcément rapide. Ouais. Mais ça, c'est bien ma cam. Mais ça reste effectivement un groupe fondateur de thrash metal. Et beaucoup de choses. Ouais. Mais donc, toi, t'as quand même apprécié d'écouter tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça pourrait maintenant faire partie des groupes que t'écouterais. J'ai un peu redécouvert, je sais pas trop, Slayer. Ouais. Bah, découvert, du coup, vu que t'avais. Ouais, bah ouais, ouais. Mais là, par exemple, toi. Je connaissais pas mal de titres de Slayer, mais sans forcément accrocher plus que ça, en me disant, ouais, bon, c'est. Ok, mais bon, voilà, c'est pas. Et puis là, ouais, en réécoutant depuis le début, je te dis, j'ai écouté les 5 ou 7 premiers albums, je ne sais plus. Bah, c'est 5, je crois. Donc il y avait Show No Mercy qui est le premier. Ouais. Hello White qui est le deuxième. Je n'ai pas écouté le live. Red and Blood, le troisième. Ouais. Sauce of Heaven, ouais. Quatrième. Season in the Abyss. Divine Intervention. Bah, j'ai fini à Divine Intervention. Et après, bah, t'as pas écouté Diablo Sin Musica ? Bah, j'ai pas eu le temps. Ah la vache. Non. Et Une Disputée d'Attitude, qui est donc l'album de reprise. Et donc, et du coup, maintenant que tu as un peu changé d'avis, est-ce que ça serait un groupe que t'irais voir ? Étant donné qu'en plus, c'est leur dernier show, que ce sera certainement ma dernière chance de les voir, ouais, il y a des chances, ouais. Si à côté, il n'y a pas un truc qui me botte plus, ouais, il y a des chances, ouais. D'accord, très bien. Juste pour me dire, hey, ok. T'as vu Slayer ? J'ai vu Slayer. Okay. Très bien. Voilà. Et toi donc ? Bah, en temps normal, je t'aurais dit non, mais je pense que comme c'est la dernière fois aussi, ouais. Ça s'y prête plus quand même. Ouais. Bah là, ouais. Ouais. Après, je les ai déjà vus, donc je suis pas. Oui, voilà, c'est ça. Je les ai vus à la période que j'aimais. Donc, Oh là là, mais toi, t'es bien tombé, dis donc. J'ai de la chance. Bah, c'est ça, c'est du talent. Bah, y a pas de secret. Je bosse sur ça, mec. Écoute, ça fait 1h33 qu'on enregistre. Eh ben, c'est bien. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Tout à fait. Du coup, le petit souci, c'est qu'on a strictement aucun programme pour la semaine prochaine. On verra. Du coup, tu pourras toujours venir parler des autres albums de Slayer que tu as. Ouais, tout à fait. Et des albums du tambour, l'album des tambours du Bronx. Ouais. Et je te tiendrai au courant s'il y a des sorties. J'ai pas vu du tout des sorties qui vont venir. J'ai pas vu non plus. Donc, voilà. Et puis peut-être que le Hellfest aura quelques nouvelles après tout. Ouais. Ah si, j'ai écouté le dernier Brand Bjork aussi. Ah alors, bah. Ouais, mais c'est parce que ça me revient là tout de suite. Bah alors, c'était bien ? C'était bien. Alors, comment te dire ? Aïe. C'était bien, je l'ai trouvé vachement 70s au niveau du son. C'est-à-dire planant, tu vois. Ouais, ouais, bah planant, mais un son très 70s. Ouais. Ah ouais, Très musique américaine, c'est un peu le Bronx, tout ça. Ah oui. Très 70s, un peu groovy, un peu. Ouais, la prod a été bien, bien travaillée là-dessus. Ouais. Ah, c'est propre, mais c'est pas plus ma came que ça. Ouais, après, il y a toujours un petit côté low desert, punk, qui reste propre années. Et attaché à Brand Bjork, mais il est passé. Est-ce qu'il repassera? Je ne sais pas. Écoute, ça, nous verrons bien. Exactement. Ah putain, j'allais dire un truc que j'ai zappé. Ah merde. Oh, Flirt. Ah bah voilà. Ah bah c'est couillu. Ah quand même. Ah merde. Bah ouais. Non, et puis oh, et puis ah. Ouais, et puis derrière, non. Ah ouais, Ah bah tu vois. Non, mais non. Attends, je fatigue moi. ah bah non, bah alors, c'est quoi que je voulais dire? C'était en rapport avec de la musique, parce qu'on a parlé de la musique. Tu retrouveras, tu nous en parleras. Ouais. Un futur épisode. Je ferai ça. Bah du coup, ouh, allez. Yeah. Non, c'est pas à cette heure-là qu'on va se réveiller. Hein. Non, c'est pas là. Non, c'est mort, je pense. Ah merde. Ah, bon. Donc on abandonne, on laisse tomber. Oui, voilà, c'est mieux. D'accord. Eh ben. On vous souhaite à tous une bonne semaine. Normalement, le prochain épisode sera la semaine prochaine. Ah bah, j'allais dire, si, en espérant qu'on aura peut-être des nouvelles de l'affiche du Hellfest. Ce serait pas mal. Par contre, on va tout faire pour se la garder secrète et la découvrir en live, comme on l'a dit. Voilà. Donc, si espérons ça tombe... qu'elle sorte pas 3 jours avant. Bah, pas podcast, demain, par exemple, hein. Ça serait chiant. Hein, c'est clair. Ni après-demain. Bah, oui, voilà. Ou alors, il va falloir vraiment esquiver. Dans l'idéal, ce serait mardi après-midi, quoi. Parfait. Hein. Donc, sachant que je suis d'après-midi, donc je... Oui, tu nous feras un petit 22h. Voilà. Tout à fait. Bon, bah écoutez, on vous souhaite à tous une bonne semaine. Pareillement. Sous réserve que de toute manière, on n'enregistre pas la semaine prochaine si on le décide. Ouais, c'est ça. Hey, on est comme ah ça. Bah si, faut qu'on écoute... parce qu'on l'a dit, mais on aurait dû le faire cette semaine, on ne l'a pas fait. Faut qu'on écoute Behemoth. Ah, tout à fait. On avait dit. Ah ouais. Oui, on avait dit. Ouais, faut qu'on le suive sur Instagram, Twitter, Facebook. Et peut-être que tu devrais commencer à écouter du Tool. Peut-être. Ça va pas être facile, je crois pas qu'il est sur Spotify. Non, je crois qu'il n'existe pas sur Spotify. Il va falloir que tu trouves un moyen de... Bah écoute, il y a 2 albums à vendre de Planétaire. Non, bah écoute. J'essaierai de trouver ce que t'as besoin. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Ok. D'accord. Ouais. Je me débrouillerai pour... je dois tous les avoir à la maison. Je te D'accord. les prêterai. Ah, c'est ça. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil. voilà, ouais. Passez une bonne semaine à tous. Bah carrément. On vous embrasse. On vous aime. Ça fait beaucoup, non? Ouais, ça fait beaucoup. Bah on peut pas... On vous en... Non. On vous embrasse. Attends, oulalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal non, non, non. Alors, ça, un vide-grenier. Acheter du beurre de cacahuète. Non, ça, c'est les courses. Merde, une exposition. C'était un truc... Un concours de patinage artistique. Non, c'était un truc qui était anti le constitutionnellement, mais c'était pas celui-là, donc c'était un autre. Ok, donc qu'est-ce que ça pourrait être? Non, bah non, bah c'est bon, bah laisse tomber. La canne de Jeanne. Non, c'est pas ça non plus. Bah non, bah écoute, hey, on arrête. Hey. Hey, c'est ça, ça va. Il hein, y a un moment où... Faut savoir dire stop à toutes ces conneries. Exactement. En plus, tu te frottes les yeux et moi je pleure, donc... ouais, c'est ça. C'était un moment où on arrive. Ouais, on s'est battu en fait. On est au bout, les mecs. On a été discrets. On est au bout. Bon, allez, écoutez, bonne semaine à tous. Merci, c'est gentil. Ah non, c'est pas... On vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Bisous. C'est pas facile, hein. Non, c'est clair. Heureusement que t'es en vacances. Hein. Oh putain, je te jure. Il y a des fois, je me dis quand même... Ah, oh, fougnasse.